Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement que je vais faire en compagnie de Mona, que vous voyez à l'écran. Donc, cet enregistrement est fait en date du 3 avril de l'année 2022 et vise à être une discussion en conscience. Probablement que, comme à l'habitude, parce qu'au fil du temps, on a fait de nombreuses capsules vidéo où on voit mon nom apparaître, on va parler de plusieurs sujets dans une démarche plus intuitive. Pour commencer à proprement dit, Mona, tout d'abord, la question se pose, est-ce que tu vas bien? Très bien. Ben, tant mieux. C'est quasiment honte de Il n'y a pas de honte à se sentir bien. Non, Moi, de non, mon... mais Oui? dans le monde où on est présentement, il y a tellement de souffrance que quand je dis ça, je me sens quasiment très détachée peut-être de ce qui se passe, C'est ça. Ben, moi aussi, je me sens bien. Par contre, selon ce qui est véhiculé dans les médias officiels et alternatifs, bien, le monde irait mal. Le monde irait très mal avec la sixième vague qui serait commencée liée à la pandémie mondiale depuis à peine quelques jours, avec l'augmentation du nombre de cas au Québec dans différents pays, avec la guerre présentement en Ukraine. Avec l'inflation aussi, l'augmentation drastique là, des coûts du carburant, on parle d'augmentation quand même assez grande là, du coût de l'essence, coût de l'alimentation. Ici au Québec, on est frappé par une crise de l'immobilier où le coût de l'habitation a augmenté pour les gens qui s'achètent des maisons, entre autres. Simultanément, en lien avec la crise liée au virus et la guerre en Ukraine, on parle de la possibilité de pénurie de biens également là, la possibilité, voire même de famine, étant donné que l'Ukraine et la Russie produisent une grande quantité de blé qui est exporté à l'international, dont notamment certains pays d'Afrique. On parle de la possibilité qu'il y ait des manques de denrées alimentaires et combiné à la pandémie qui amène des confinements où des lieux de travail sont fermés temporairement à cause de cas d'éclosion, bien, les deux variables mises ensemble pourraient amener une situation dans les prochains jours et au niveau des prochains mois même qui amènerait un appauvrissement de la population mondiale, donc une dégradation entre autres du pouvoir d'achat. Donc, par rapport à tout ça, comment que... T'envisages la situation mondiale présente? Moi, ben si je vais direct sur comment je perçois ça au niveau de mon contact, je l'ai dit tantôt, on en parlait, c'est pour ça qu'on a parti l'enregistrement, c'est que moi, je me sens pas menacée, un, je me sens pas concernée, de deux, je sens pas de danger, de trois, puis j'ai l'impression qu'on nous charrie pas mal. Dans le sens que tout ce qu'on... On peut pas nier qu'il y a une guerre en Ukraine, la Russie et l'Ukraine, hein, c'est pas dans ce sens-là, Non, mais... non, c'est une opération militaire spéciale, comme diraient les Russes. C'est pas de la guerre, c'est pas de l'agression. D'un côté, ils nous disent ça, l'autre camp, ils disent non, non, c'est une grave agression, tu sais. C'est mal connaître l'histoire de la Russie, mais je n'en connais pas une tonne. Là. Je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'URSS, parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est en 1991 que l'URSS a été démantelée. Puis le problème qu'on parle aujourd'hui, en 2022, de l'Ukraine, vient de là, hein, de ce démantèlement. Mais entre autres, ce que Poutine semble dire, puis qui est confirmé dans les faits et non dans ce qu'ils nous disent, là, c'est que ça fait quand même depuis, si on part de moins loin, 2014, que l'Ukraine bombarde son propre peuple, qui est dans le Donbass et dans la région un peu plus l'autre côté. J'arrive pas à dire les noms russes, je les oublie facilement, je suis désolée. Mais la région collée à la frontière Ukraine-Russie, ça fait 8 ans que c'est bombardé parce qu'il y a beaucoup de russologues, de gens d'origine russe Oui, là. des russophones là, qui se trouvent là. Il y a deux villes, entre autres, en fait, deux régions, devrais-je dire, qui, dans le fond, se sont proclamées indépendantes, dont l'Ukraine ne veut Oui, pas reconnaître l'indépendance. ce n'est Oui. pas été autoproclamé, ça a été voté. Deux régions qui ont voté pour s'associer, être associées à la Russie. C'est un vote démocratique qui a été fait, que Poutine a accepté de reconnaître. C'est tout. Mais le problème, c'est pas le fait que cette région-là soit maintenant associée à la Russie, c'est que c'était dans le... depuis 8 ans, cette région est bombardée dans le but d'éliminer ces gens-là. Il y a ça aussi, il faut tenir compte. T'sais. On a beau dire Poutine, c'est un fou raide, il reste que c'est qui a provoqué. Qui a... Premièrement, l'Ukraine, c'est tellement corrompu comme pays. Y a-t-il du monde qui est au courant de ça? Que l'Ukraine, c'est complètement noyautée, corrompue par les oligarques mondiaux, dont surtout ceux de l'Europe et des États-Unis. Hein, c'est un pays extrêmement corrompu que je pense qu'il a été même créé pour foutre la merde dans ce coin-là, par des forces. Donc, c'est pas tout noir, tout blanc d'un bord. On peut pas parler comme ça. Puis, il y a eu 14 000 morts de répertoriés en 2014 à maintenant, 2022. Peut-être qu'ils n'ont pas calculé les derniers là, qui viennent de se faire tirer, mais dans cette région-là, il y a eu 14 000 morts. Le Exactement. bombardement de Kiev sur son propre peuple. Je Ben, sais pas, là, c'est c'est déjà ça. inquiétant. Mais ce qui est particulier, c'est que présentement, ce volet-là, lié à la crise actuelle qui implique l'Ukraine, on n'en parle pas dans les médias de masse. J'ai entendu Anne-Laure Bonnel dans les médias alternatifs qui en parle et qui couvre la situation, là, qui avait notamment là, fait un documentaire en 2015. Depuis ce temps-là, elle présente ça. Mais à part elle, comment? Il y a Xavier Moreau qui est très à jour sur la situation, qui est un Français qui vit en Russie. Il y en a plein de gens qui disent les réalités, mais qu'on censure. On les voit pas à Radio-Canada ni à TVA ici au Québec. Il y a encore du monde qui écoute ça? Sérieux, là. Moi, je parle à du monde qui ont supposément de la lucidité dans le coco, là. C'est impossible d'écouter la TV si tu es intelligent. Je suis désolée, tu peux pas. Il n'y a rien de ce qui est dit qui a de l'allure, tout est inversé. Non, non, mais on peut la regarder avec un esprit critique. Oui, tu as intérêt à être très critique, mais quand tu regardes ça, puis c'est rien que des mensonges, comment on devient tellement en crise qu'à un moment donné, tu ne veux plus regarder ou tu viens totalement polarisé aussi. Et ça éveille la polarité. Ils disent tellement de mensonges que quand tu es lucide, tu finis par regarder ça. Puis moi, à un moment donné, j'ai arrêté de regarder ça, parce que ça me faisait polariser de l'autre bord, tellement qu'ils polarisaient de l'autre bord. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une planète polarité. Puis en passant, on a deux hémisphères, hein, droite puis gauche. Mais qu'en partant, on est polarisé. Fait que c'est facile de dire, on n'est pas polarisé en regardant une nouvelle. Ah ouais, ben moi je voyais l'État par en dedans là, monter, puis non, c'est pas vrai que ça nous affecte pas les mensonges qu'ils nous disent. Ça affecte peut-être pas les gens qui n'ont pas de conscience, mais les gens conscients, c'est sûr que mener arrête d'écouter ça, ça fait monter de la rage. C'est ça. Mais bon, dans mon cas, des fois, je vais jeter un œil pour voir qu'est-ce qu'ils disent dans le narratif officiel, mais je passe pas à la journée longue à écouter là, au LCN avec les nouvelles en continu, là. Ni même une fois par mois, une fois par semaine. Des fois, j'écoute très loin parce que les nouvelles, on les a ailleurs. Premièrement, les vraies nouvelles, moi, c'est pas la télé qu'on va chercher ça. Mais ce que je trouve intéressant dans les polarités des nouvelles, c'est qu'à un moment donné, il faut se questionner sur ce que nous, on parlait de ça tantôt. C'est tout ça, là, ce qu'on vit, on peut le regarder d'un niveau juste de l'individuation, ce qui est des gens de conscience. C'est sûr que ça, c'est un exercice phénoménal pour rester centré, qui est très intéressant pour activer le contact. On parlait de ça un peu tantôt, j'aimerais en parler parce que le contact, on vient au monde avec, mais il n'est pas toujours fonctionnel comme à 100%, tu sais. Donc, c'est une belle occasion pour nous de développer encore plus de contact intime avec cette partie. Appelez-le le double ou l'esprit, appelez-le comme vous voulez, ça ne me dérange pas, là, c'est pas, mais ça demeure un travail individuel qui doit se faire et intime. Ben oui. C'est pas à l'extérieur de nous. Fait que moi, tout ce qui me porte à l'extérieur de moi, je m'en méfie en général. Je m'assure que ça correspond avec ce que moi j'entends par en dedans. Non, exactement. C'est sûr que c'est d'écouter d'abord, dans le cadre, entre autres, d'une démarche d'individuation, être à l'écoute de sa source, qu'est-ce qui émane d'abord en soi. Oh, on voit le petit chat passer à Elle ne l'écran. fait jamais ça en passant, les amis. Là, c'est juste un spécial pour vous, hein, parce qu'elle ne fait pas ça d'habitude. Elle est partie. Elle est partie. C'est Maya. Bon, Une ben, petite salut femelle de Maya. vie. Mais en lien avec la crise actuelle, un peu comme ce que certains ont appelé la pandémie qui dure depuis environ 2 ans, pour ce qui est de la crise qui se déroule dans l'Europe de l'Est, ce qui est particulier, c'est qu'on voit depuis presque un mois là, les médias officiels qui ont pris position, c'est sûr, pro-Ukraine Ah oui, et puis c'est les mêmes spécialistes que du COVID hein, dans le temps. Ça, c'est très intéressant, les experts à TV. Mais c'est ça, c'est que dans les deux cas, il y a un narratif officiel, puis on se tient à ça, puis il n'y a rien qui est remis en question. Moi, j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, vous pouvez encore le faire. Il y a sur la chaîne 7 jours sur Terre, sur YouTube, une vidéo qui parle de la propagande, plus particulièrement de la guerre psychologique présente, où il va présenter tout ce qui est véhiculé par les médias en Russie, où on présente Poutine comme faisant une opération humanitaire, et on présente le côté de Zelensky aussi. Fait que t'as deux constructions de la réalité diamétralement opposées, où chacun se présente comme étant le bon, puis l'adversaire le méchant. Puis, comme il est présenté dans la vidéo, ben, je partagerai le lien en bas de la vidéo présente. Ce qui est dit, ben, c'est que c'est pas un ou l'autre qui a la vérité, mais c'est tous les deux qui sont dans la propagande. Ben, dans une guerre, soyons clairs, là, c'est pas la première guerre qu'on voit. Puis dans toutes les guerres, il y a de la propagande, puis il y a du mensonge, puis ça dure des années. Exactement. Ça fait 2 ans que je dis qu'on est en guerre. Fait que ça fait déjà 2 ans qu'on est en propagande. À partir de là, il faut que tu commences à être plus autonome parce que c'est toujours. On va apprendre la vérité dans quelques années, probablement sur plein de choses, c'est pas tout, probablement non plus. Mais les vraies choses, tu sais, regardez la Deuxième Guerre mondiale, quand les gens, pendant qu'ils exterminaient des Juifs, il y avait des gens qui dénonçaient ça. Il y avait plein de Français, d'Allemands, puis pas, tu sais, ils se faisaient exactement comme aujourd'hui, ils se faisaient ostraciser, ils se faisaient traiter de tous les noms. On les enfermait, on les arrêtait. En bout de ligne, ces gens-là avaient raison. Exactement, puis il n'avait pas été pris au sérieux. D'ailleurs, le pape. C'était des fous, on disait que c'était des fous, ça se pouvait Exactement. pas. D'ailleurs, le pape de l'époque avait été alerté que des Juifs étaient dans des camps de concentration, etc. Et lui, ce qu'il a dit, bien, on va prier pour eux autres. Puis il n'a rien fait d'autre. Puis on ne disait pas des camps de concentration, on disait des camps de travail, Nuance. qui sont devenus des camps de concentration plus tard, puis qui sont devenus comment on appelle ça, de la recherche sur les humains. On a testé plein de choses sur ces gens-là, mais on n'en a pas tout dit non plus, parce que c'était dégueulasse ce qu'ils faisaient aux enfants et aux organes, en vivant. Faut pas en parler, je viens le faux cul, là. Non, non, Mais certaines choses exactement. C'est aujourd'hui, des ils en font pas abominations ça. qui sont faites. Et probablement que dans le cadre de présentement de ce qui se passe en Europe de l'Est en lien avec l'Ukraine, il y a des choses abominables qui se déroulent. Puis la question que je me pose, c'est bien beau, là, le Canada, les États-Unis qui disent qu'ils vont envoyer des armes là, pour faire face à la menace de la Russie, mais qui dit que ces armes-là ne seront pas utilisées par les dirigeants de l'Ukraine pour s'attaquer aux séparatistes du Donbass et non pas tout C'est à simplement. ça que ça sert, ben David, c'est rien qu'à ça que ça Mais eux sert. autres, ils disent qu'on va leur donner des armes pour se libérer de l'agression russe. Oui, je sais, mais c'est quand même des armes qui. Parce que quand tu comprends ce qui se passe en Ukraine, il y a l'armée ukrainienne qui est presque totalement sous le contrôle de l'armée russe présentement. Ils sont à Mariupol, puis une fois Mariupol terminée, il reste juste un petit îlot, c'est fini, l'armée ukrainienne, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui reste? C'est Azov, sa gang de petits fous, là, de 100 000 fous, là. Bien, le C'est bataillon Azov, ce que des j'avais vu paramilitaires. par contre La gang dans d'Azov, une. c'est des paramilitaires. C'est relié à ce qu'on dit. C'est eux qui font un génocide, qui créent. C'est eux qui installent. On voit plein d'images où ils installent des tanks en plein milieu du village, puis ils tirent à partir de là. Puis après ça, on dit, ben non, c'est les Russes qui font ça. Mais c'est ça, je dis, tout est inversé. Il faut se méfier de la propagande présentement. C'est clair que la propagande est à la TV. Bien, c'est ça, c'est parce que là, moi, la question que je me pose, parce que justement, il y en a qui parlent du bataillon Azov en Ukraine comme étant un groupe d'extrême droite C'est et des dans nazis. certains cas de néo-nazis. Donc, lorsque Poutine, dans le fond, dit qu'il s'en prend à des néo-nazis, bon, il est vu comme quelqu'un qui a perdu la carte, qui exagère. Sauf qu'il y a peut-être un fond de vérité derrière ça. Puis, On veut tellement pas croire que ça mais existe, là. d'armer ces gens-là, je me demande si par la suite, on va pas nourrir un régime qui va amener une tyrannie qui peut-être est plus grande que ce qui pourrait être instauré par la Russie si elle prend le contrôle de l'Ukraine. Premièrement, la Russie n'est plus Poutine n'est pas un dictateur en passant. C'est pas lui qui dirige le pays. Il y a un parlement, puis il y a de l'opposition, puis il y a des partis opposés. Fait que moi, à partir de là, c'est déjà plus diplomate que ce que je voyais ailleurs, hein? Ben, Même ici, du coup. quoique, attends une minute, là, c'est quand même un despote dans le sens qu'il s'est organisé pour rester au pouvoir longtemps, là. Ça fait depuis le début 2000 qu'il est au pouvoir. Puis de ce que j'ai compris, c'est qu'il aurait comme voté des choses pour pouvoir être encore là, en place pendant encore plusieurs années, là, tu sais. Bien, premièrement, c'est des mandats de 6 ans, eux autres, hein? C'est pas 4 ans, c'est 6 ans, puis on doit les renouveler. Fait que moi, pour moi, Poutine, il y a eu un virage avec lui en 2011. Mais moi, je le vois comme un despote pour le simple fait, Mona, que présentement, par rapport à la crise, il va dire que toute personne en Russie qui va à l'encontre du discours officiel, qu'elle peut aller en prison pour 15 ans. Bien, je sais pas si c'est ça qu'il a dit. C'est ça que je sais. Tu sais, moi, je comprends pas le russe. Rendu là, je m'arrête, moi. C'est là. Parce que les journalistes, ça a commencé avec les journalistes qui disaient, on peut plus aller faire des nouvelles en Russie. C'était pas ça qui avait été dit, du moins ce que j'ai compris de la traduction de Poutine. Il avait dit, si vous présentez des choses qui sont fausses, vous risquez d'être poursuivi. Mais si vous présentez la réalité, Oui, madame, mais là, là, je ce que pense, j'ai compris. Bonnell, attends un peu, je vais Oui, terminer. vas-y. Bonnell, là, la Russie, il a jamais poursuivi, hein? C'est qui l'a censuré? C'est pas Poutine, Bonnell. Bonnell, elle montrait ce qui se passait, là. Mais Bonnell a été censuré par qui? L'Ukraine. Pas la Russie. Parce qu'elle montre les choses, C'est c'est agaçant. ça. Mais en faisant ça, elle va dans le sens de l'agenda russe pour légitimer leur action. Non, elle n'allait pas dans le sens de l'agenda russe. Elle montrait. Elle a pas. C'est pas cette approche-là qu'elle a. Non, Moi, mais j'ai c'est pas sûr qu'elle a dit qu'elle écouté. était apolitique publiquement dans les vidéos que j'ai écoutées. Elle disait qu'elle était La politique, puis ce qu'elle apolitique. présente, c'est les deux côtés. Mais là, présentement, elle peut quand même pas présenter des Russes qui tirent sur les Ukrainiens quand c'est pas ça qui se passe. Parce qu'elle l'a montré, les gens qui vivent dans les sous-sols, qu'est-ce qu'ils disent eux sur place. Elle, ce qu'elle dit, c'est que je vous présente les faits tels qu'ils sont. Oui, exactement. Et j'admire cette démarche-là. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que Mais ça se peut. elle peut plus, là. Elle est sortie du pays, mais l'ont sacré dehors, hein. En passant, c'est pas la Russie, c'est l'Ukraine. Fait qu'à un moment donné, il faudra regarder que c'est des deux bords que ça se passe. C'est ça, Bien, je c'est veux dire. ça que je Ils veulent voulais. Je suis pas. d'accord avec toi aussi là-dessus. C'est que moi, de mon point de vue, puis je pense le vidéo de 7 jours sur Terre qui présente les enjeux géopolitiques actuels a très bien fait un travail pour synthétiser que dans les deux camps, avec des exemples concrets au niveau de la rhétorique, qui a été point par point dans l'analyse, l'animateur, que dans les deux camps, il y a vraiment présentement de la propagande, puis tout est distorsionné en fonction d'une perspective polarisée. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que présentement, Poutine, dans le fond, dans ma perspective, il est dans un discours de propagande au même titre que les Occidentaux, là, que ce soit le Canada ou les États-Unis, là. Ben, moi, c'est sûr qu'il n'y a pas le choix par rapport à ça. Tu parles pas japonais ou chinois. Ceux qui appoignent, là. Je tenais d'entendre des histoires que Poutine, là, il a une fonction, comme Trump a une fonction, je le dis depuis 2 ans, je suis un peu fatiguée de ça, là, ils ont des fonctions, j'ai pas dit que c'était des dieux, puis je suis pas en train de parler de l'antéchrist, puis je m'en calisse. C'est pas de ça que je parle. Ce que je dis, c'est qu'ils ont des fonctions, ils ont quelque chose à exécuter, puis ils l'exécutent. Maintenant, c'est à nous de lire le plan d'arrière-plan. Parce que là, on parle de quoi? On parle de la planète ou on parle de l'individuation? C'est deux mondes pour moi. Si on veut parler de l'évolution de la planète des masses, il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans les prochaines semaines. Dans le sens que ça bouge pas vite. Mais il y a aussi des gens comme nous qui sont un peu plus dans l'individuation puis qui peuvent se servir de ce qu'on a comme contact pour savoir ce qui se passe un peu puis se protéger. Parce que je pense qu'on pourrait parler de ça. C'est comment se protéger de tout ce qui peut venir à nous dans les prochains mois, années. Dans le sens. C'est quoi qui va nous protéger? Pourquoi je te parlais de ça, là? J'ai vendu ma maison. Il y a une raison pour laquelle je voulais vendre ma maison. C'est que je veux décrocher du système. Je ne veux plus avoir affaire aux banques. Je ne veux plus avoir besoin d'eux autres. Je ne veux plus avoir affaire à personne en termes de dépendre des autres. Puis j'ai la capacité de le faire maintenant. Donc, je le fais. Moi, me protéger, c'est de me tasser de ça. De plus nourrir le système dans lequel on vit, parce qu'on pourrait parler rien que du Québec et du Canada, là, mais j'étais curée de donner mon argent à du monde qui nous ment, qui nous manipule, qui nous charrie, puis qui en plus nous veut nous tuer. C'est ben là, non, d'une vie donnée, va m'en plus. Fait que je décalisse, c'est tout. Mais je Mais prends une position. justement, tu vas aller où après? On verra. Pour l'instant, je vais être libre. Fait que je vais avoir un passeport, puis je vais avoir de l'argent. Je verrai. Je ne sais pas où je vais aller. Ben, pas encore une fois, pour avoir un passeport présentement, il faut que tu sois injecté. Non. Non. Mais non. Tu Ben, peux passer frontière. Non, tu peux passer les frontières terrestres sans problème. Il n'y a pas besoin d'être vacciné pour un passeport. Mon chum, il y en a un, puis il n'est pas vacciné. Ce qui est exigé, c'est quand tu prends l'avion. Exactement. Ouais, mais moi, je ne prendrai pas l'avion, voilà, ce que je veux, on verra. Mais même Si je quelqu'un. prends l'avion puis je crisse mon camp, j'ai pas besoin d'être Mais de ce que injecté, j'avais je reviendrai compris pas de Justin Trudeau lors de l'automne 2021, c'est qu'il demandait à toute personne qui veut rentrer au Canada d'avoir une preuve comme de quoi qui est injecté. viens de le dire, David, rentrer. Moi, je te parle de sortir. Si je sors d'ici, je ne reviens pas, oublie ça, je m'en vais au OK. Sénégal. Moi, là, quand je prends une décision, c'est terminé, là. Il n'y a pas, je reviens en arrière, à moins que les frontières deviennent hautes, puis que Trudeau n'est plus haut, je ne sais pas quoi. Mais si je quitte le pays parce que c'est une domination communiste, appelez-les comme vous voulez, de Trudeau et de Legault, puis de tout le Deep State en arrière-plan, si je décide d'aller vivre au Sénégal, ce qui est une possibilité pour moi en passant, je ne reviens pas ici, là. Je suis planétaire, hein? Je m'en sac bien. Moi, je suis pas connectée nécessairement au Québec. Mais je sais que l'évêque du Québec va se faire. C'est pour ça que quand je te dis, je ne sais pas ce qui va advenir. L'avenir, ils ne me le diront pas. Hein? Ils ne nous disent pas l'avenir dans le sens Mais il nous a été informer. quand même annoncé, entre autres, par Bernard de Montréal dans le domaine de Les la con grandes lignes, les grandes C'est ça, dans le lignes. domaine de Comment la ça va se conscience passer? supramentale, en tout cas, quand il a donné des conférences, parlait du rôle particulier du Québec sur le plan occulte. Et moi, j'ai toujours la vision du Québec comme un nouveau Israël, c'est-à-dire un lieu où un enseignement initiatique va ressortir. Un nouveau Israël, c'est parce que le parallèle me fait mal au ventre un peu, là, mais bon. Bien, dans le Parce que moi, sens que. Israël, ça a été créé par le Deep State. J'espère que c'est pas ça que tu es en train de me dire, là. Bien, en fait, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Je vais rectifier mon propos Mais je ne ici. sais pas, mais non, mais David, excusez-moi, Oui, il n'y a pas de souci. je sais pas, c'est possible. Ce que tu dis d'une façon spontanée, assez spontanée présentement, pour moi, c'est possible que le Québec tombe là-dedans. Même si Bernard dit que si, que ça, je sais pas. Moi, Bernard, je comprends ce qu'il dit, mais il n'a pas donné de détails de comment ça va se passer, puis la limite d'années. Hein. Bernard, il disait un an, ça peut être 25 000 ans. Là, tu sais. Je dis n'importe quoi. Le temps, l'exécution, tout n'est pas prédéfini non plus. Il y a eu des changements. Je sais que ça va plus vite que prévu, en tout cas. Fait que je suis pas Dieu. C'est juste mon nom. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'Israël a eu l'enseignement de Jésus-Christ qui a amené ces gens-là à développer, à intégrer le principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain. Puis au Québec, nous autres, on a eu Bernard de Montréal avec l'instruction supramentale. Et moi, ma certitude fondamentale qui fait que je suis motivé à continuer à vivre ici au Québec, c'est qu'en dépit de toutes les mesures restreignantes des libertés individuelles qu'on a connues depuis environ 2 ans, c'est que la certitude qu'ici, ça va être le lieu de rayonnement au niveau international de la conscience supramentale et de l'instruction qui s'y rapporte. Mais on verra. Non, mais ça me plaît. Ça plaît à mon ego, mais en général, quand ça plaît à mon ego, c'est rarement ce qui va se passer, mais bon, bref. Je blague, là. Je fais une blague, les amis, là, parce que c'est pas individuel. Là. Tu parles plus d'un peuple ou d'une vibration qui va être amenée à la planète, mais je pense que ça part d'un peu partout, cette. Je sais pas. On a toujours dit que le Québec était protégé. Si tu sais, je peux poser. Moi, personnellement, je sais pas, mais si je pose la question à mon Oui. contact, est-ce que le Québec est protégé? J'entends oui. Mais protégé comment? Ils répondent pas. Mais que je viens comme fuck Oui, mais Comment on est protégé? Que trouves-tu qu'on a si protégé présentement? On est très attaqué surtout, là. oui, exactement, mais paradoxalement, c'est à travers l'attaque qu'il y a des fois un développement plus grand qui va s'opérer. Et je m'explique ici. C'est qu'on a connu au niveau de la religion catholique des abus incroyables pendant plusieurs décennies, avec la religion qui faisait ingérence dans tous les aspects de la vie des gens, qui mettait de la pression pour que les femmes aient des enfants à chaque année. Ensuite, les cas d'agression sexuelle, de maltraitance, qui ont eu cours avec des gens, des membres du clergé. Et puis, la religion a sorti beaucoup plus rapidement ici, dans le cadre de la Révolution tranquille, que dans le reste du Canada anglophone ou aux États-Unis, où les gens sont plus attachés que nous au christianisme. J'espère. Je pense que c'est une possibilité intéressante qu'on se fait tellement bombarder qu'on finit par se réveiller ou on disparaît. Pas individuellement, mais comme dans le temps, là, sur 40-50 ans, on n'existe plus comme peuple. Parce qu'il y a une intention de nous, tu sais, c'est jouer. Pourquoi je veux quitter Montréal, entre autres, c'est que moi, je me retrouve plus non plus là, dans Montréal. Ça fait 42 ans, je suis ici, puis j'ai adoré Montréal, mais là, il y a trop d'étrangers. Je sais que j'ai l'air xénophobe en disant ça, mais méfiez-vous, je ne suis pas xénophobe. Ce que je vois, c'est une espèce d'immigration massive. Ça, déjà, c'est un problème parce qu'on fait immigrer énormément de Syriens. Puis là, tous les Ukrainiens de la planète sont bienvenus au Canada. Fait que, tu sais, ah ouais, donc. À un moment donné, il y a une espèce de métissage qui se fait de culture qui fait que ça s'aplatit vers le bas, là. Je suis désolée, je trouve qu'on descend en vibration au lieu de monter présentement par le fait qu'on est loadé par l'immigration. On n'est pas nombreux au Québec en passant, hein. On est quand même bien que 8 millions, là, à peu près. Exactement, sur un si vaste territoire. Puis là, tu mets 2 millions là-dessus. Avez-vous idée que 2 millions sur 8 millions, ça commence à faire du monde en pourcentage en cibolac, là? De Chinois, d'Ukrainiens, des Syriens, des ici, des ça, des Libanais, des. C'est fini le but, ça. C'est quoi le but? Ben, c'est sûr Il y a qu'il y d'autres en a qui pays vont sur parler la planète qui du ont fait grand ça. remplacement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont parler du grand remplacement pour générer un peuple multiculturel. Parce que les gens qui sont dans le multiculturalisme, ils vont voter pour le Parti libéral avec Justin Trudeau. Ils n'iront pas dans le sens de l'indépendance du Québec. Fait que l'agenda, c'est d'amener une consolidation des forces qui sont pro-libérales pour qu'il y ait un Canada plus fort, qui soit enraciné dans le multiculturalisme, entre autres. Ben, parler de multiculturalisme, ceux-là qui s'en parlent, c'est ceux qui le sont de moins, hein? C'est de l'hostie de connerie, le multiculturalisme. C'est de la connerie, le multiculturalisme, présentement. Il n'y a pas un peuple qui est prêt à se faire envahir par un autre ou d'autres. Ça se passe pas bien, le multiculturalisme. Allez voir en France ce que ça donne. C'est faux, ça. C'est tellement faux comme pensée, là. Oui, dans 2000 ans, on sera multiculturel, puis on sera des humains déconnectés de notre petite nombrie, peut-être dans 2000 ans. Mais présentement, c'est une bombe qui nous amène en dedans du pays pour que ça explose. Puis je parle du multiculturalisme de connaissance de cause. Ça fait 42 ans que je suis avec des étrangers. À ma connaissance, Trudeau, sa femme, est pas mal québécoise. Puis Legault aussi, puis c'est ça, je dis, le monde qui parle du multiculturalisme, il y en a, tu signes, là, l'espèce de turban, là, tu penses qu'il n'y a rien de québécois, celui-là, là? No fucking way. Arrêtez de parler multiculturalisme, puis capable. C'est de la connerie, ça. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais là, j'essaie de te présenter leur point de vue. Ben, le point de vue est pourri, puis il essaie de nous prendre la tête avec des conneries. C'est ça que ça veut dire. Parce que le multiculturalisme, ça demande, de ne plus avoir trop de culture, hein? Mais c'est parce que l'enjeu derrière ça, ce que je te dirais, c'est que moi, j'ai l'impression que derrière le multiculturalisme, c'est l'agenda mondialiste qui vise à affaiblir les États-nations et le nationalisme. C'est ça, C'est-à-dire que les mais gens ça soient de peut plus en affaiblir plus. la culture, affaiblir les. Mais il y a des cultures. Tu vas dire en Chine, tu vas lui changer leur façon de penser, puis au Vietnam, tu essaieras ça, toi. Au Japon, zéro immigration au Japon. En Japon, ben, les autres ne sont pas racistes, non. Ah non. Mais ils ont raison de se protéger parce que c'est trop tôt, c'est ça que j'essaie de dire. Oui, dans 2000 ans, on va être capable de penser qu'on est des humains avant tout, des humains avant d'être une culture, ce que je souhaite un jour. Mais pour arriver à ça, il faut avoir nettoyé l'ego au tabarnak. Puis c'est pas le cas ben, de la planète présentement, là. Fait que je suis désolée, la notion du multiculturalisme, comme on nous la présente, c'est une façon de foutre le chaos puis la marre et la division entre les gens. Et surtout J'ai de jamais vu con. Montréal aussi ghettoisé dans les 10 dernières années que sur 42 ans que j'y vis. Ah, on parle de multiculturalisme. C'est Là, ça, c'est mais rendu moi que tout le derrière monde ça, la est haïtien, façon. c'est d'origine Ouais. haïtienne, puis c'est tout juste s'il ne va pas shaker. Ouais. Mais derrière ça, ce que je vois, Mona, c'est une volonté d'amener une mondialisation mur à mur, puis de réduire l'importance du nationalisme dans les différents Parce États. que ces oligarches-là n'ont pas de pays. Ils n'ont rien qu'une. Eux autres, leur seul pays, c'est un signe de pièce puis le pouvoir. Ou Mais ils n'ont pas peut-être de pays, ces l'agenda gens-là. quand Ils ont même plus de pays. transhumaniste. C'est-à-dire l'agenda transhumaniste avec le Forum économique mondial dont notre ami Justin Trudeau fait partie. Ouais, mais t'as pas eu, là, t'es passé du transhumanisme au Ben, c'est parce multiculturalisme. que dans le Mais fond, moi je vois ça comme étant interrelié. C'est-à-dire que au niveau du multiculturalisme, ça va dans le sens du mondialisme. Puis présentement, le Forum économique mondial cherche à amener que les gens partout sur la Terre adopte une philosophie mondialiste qui s'appuie sur le transhumanisme, c'est-à-dire que partout il y a des gens, entre autres avec des puces sous la peau, et que la fusion entre le biologique et le numérique. Donc, tu sois aux États-Unis, en Chine, en Europe, chaque personne a son identité numérique et qu'on puisse la tracer, là. Ça devient un standard mondial, là. Puis pour y arriver, bien, il faut affaiblir les États-nations qui pourraient résister au mouvement mondialiste. Les États-nations dont tu parles, Chris, c'est 14% de la population mondiale. On s'en contre, Chris. Le multiculturalisme du Canada, puis de bidon, des États-Unis, puis des cultures woke, puis tout ça, c'est 14% de la population mondiale. Oubliez ça, c'est terminé, ça n'arrivera pas, ce qu'ils disent. Ils vont essayer de nous étirer ça longtemps, mais ça ne marchera pas. Pour pouvoir embarquer là-dedans, il faudrait qu'il y ait 8 milliards d'individus qui embarquent. Ça Je te arrivera pas, dis puis... 14% Ouais. des Occidentaux là, qui représentent les plus riches de la planète, c'est 14% de la planète. Alors, on n'est pas majoritaire. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, eux autres. Hein. Ils font rien que foutre la merde partout dans les pays, eux autres. C'est tout ce qu'ils savent faire, là, puis cacher, puis prendre C'est ça, l'argent. tout en nous présentant l'illusion dans les médias de masse qui sont majoritaires. C'est ça, mais ils ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires. Puis on le voit, là, Poutine s'est associé à qui? La Chine, l'Inde, juste ces deux pays-là, en passant, les amis, on parle de 3 milliards de gens. Je n'ai pas compté la Russie, j'ai pas compté le Pakistan, on n'a pas compté les autres pays qui vont se joindre à lui. C'est quoi, vous pensez que ces gens-là représentent rien? Ces 4 milliards d'individus, là, depuis une semaine, se sont joints il y a 2 semaines à Poutine, hein? 4 milliards. On est 8, fait qu'il en reste. C'est ça, je dis. C'est comment ils nous présentent ça, ces gangs des mensonges. Parce qu'en réalité, les oligarches occidentaux, ils ont 14% à peu près des pays, hein, sous le contrôle. C'est 14% de la population à peu près. Fait que c'est rien. Mais ils nous font croire l'inverse. Puis si on y croit, c'est ça le drame, c'est qu'on croit ça. On pense qu'on n'a pas d'impact, on pense qu'on ne peut rien faire. T'entends ça souvent, les gens. Ah, mais Mona, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, commence par dire non, Chris, c'était déjà ça. Non, je me ferai pas piquer. Non, je me ferai pas tester. L'autre fois, j'étais allée dans le magasin. Non, je porte plus le masque. Ah, madame, si vous portez plus le masque, vous devez sortir. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Mais je porte plus le masque. C'est terminé. Non. Même à l'épicerie, s'ils me courent après, ils courront. Je ferai vite livrer. Moi, c'est terminé. Il faut dire non. Mais non. Non. Non. En passant, en revenant à ça, là, le port du masque, comment ça se fait qu'ils ne nous enlèvent pas ça le 15 avril, eux autres? Vous n'êtes pas demandé ça? Ils enlèvent à peu près tout. Ben, ils suspendent. En fait, ils ne Oui, peuvent c'est ça, ils ont enlèvent pas. suspendu le passeport. Mais pas le masque! Mais Je vois attends une minute, Mona, parce que là, demain, au moment où on fait l'enregistrement, il est dimanche, et le lundi, c'est là qu'ils sont supposés de prendre la décision officielle, s'ils suspendent ou pas, pour l'annoncer publiquement. Mais c'est sûr qu'en effet, j'ai l'impression qu'ils ne suspendront pas comme l'avait annoncé pour le 15 avril. Ben là, on est dans la sixième vague. Ben Voyons oui, ils ont donc. décrété il y a quelques jours qu'on était dans la sixième vague, mais oui. Faites-moi rire. Six vagues, sept vagues, huit vagues, neuf vagues. Mais en passant, pour les gens que ça intéresse, santé, j'ai trouvé ces données-là sur le santé du Québec, là, le ministère de la Santé. L'INSPQ, l'Institut Mars. national de la santé publique. Ouais, t'as peu, je sais pas, il faudrait que je regarde la photo, mais. C'est les données pour le mois de mars 2022. Attendez un petit peu, les amis, je vais juste me sortir la photo pour que je vois moi-même ce que je veux dire. Je vais vous donner des chiffres intéressants, qui sont des chiffres officiels, non, en principe. Officiels, je ne sais pas si c'est encore des menteries, mais en tout cas. S'ils mentent, ce n'est pas à leurs avantages. Excusez-moi, Excusez-moi, je suis tellement Il n'y a pas malheureuse. de problème, Mona. Pendant ce Alors, temps-là, je veux mentionner aux gens, pendant que tu cherches l'information, que tu es professeur de yoga et de pilates thérapeutique et qu'il est toujours possible, s'il y en a parmi vous qui s'intéressent, de faire des cours avec toi. Donc, Oui, je vais comme mettre tes coordonnées en bas de l'enregistrement. D'ailleurs, je viens de réaliser que je ne l'ai pas fait en début d'émission. Et là, je le fais. Donc, pour les gens qui s'intéressent, et tu donnes donc toujours des cours aussi sur Zoom. Ouais, là maintenant, ça va être que des cours privés ou semi-privés sur Zoom, parce qu'avant, j'enseignais selon les conditions sanitaires, mais là, j'ai décidé de faire fuck off aux conditions sanitaires et masquer le masque. Alors, je ne donnerai plus de Zoom en groupe, mais je donne en privé, ouais. C'est Donc, plus facile à travailler. c'est bien parfait. Alors, je reviens à les données, c'est marqué les données du 28 mars 2022. COVID-19, nouveau cas selon le statut vaccinal au Québec. Alors, on va s'amuser. Les chiffres sont brouillés un peu parce que la photo n'est pas très bonne, mais ça tourne autour. Les chiffres, donnez-moi un ou deux, deux, trois petits cas pas trop à jour, là. C'est 1102 cas COVID détectés, trois doses. Deux. Attendez. Ouais, c'est ça. Deux doses, 306 cas détectés COVID-19. Une dose, 18 cas, et non vaccinés, 68 cas. Il y a plus de gens qui sont détectés avec trois doses que des non-vaccinés. Mais ça, c'est des cas COVID. Ça veut dire du monde malade, là. Fait que ça veut dire que ces gens de trois doses à 1102, ça confirme les complotistes qui disaient que le vaccin donnait rien, ne protégeait pas, le transmet, puis t'es plus malade. Y a-t-il quelqu'un qui peut contester ça, là? Moi, c'est pas mes données, là. C'est les données du dimanche 27 mars 2022 du Québec. Mais attends une minute. C'est-à-dire que par Bon, rapport aux données présentées, je suis d'accord pour dire, quand on entend ça, que l'idée d'être vacciné, ça n'empêche pas du tout de l'attraper. Par contre, on pourrait te rétorquer, comme le docteur Mackey pourrait te dire, ben écoute, la personne, trois doses, ça se peut qu'il y en ait qui l'aient plus, mais ils vont l'avoir moins fort, puis ça peut faire la différence entre quelqu'un qui en meurt et qui n'en meurt pas. Docteur Marquis comme expert. Tant qu'à ça, on va prendre le go. Maintenant, c'est rendu que les politiciens font de la médecine, puis la médecine fait de la politique. Excusez-moi, le docteur Marquis, je suis incapable d'y donner Non, aucun non, mais je crédit. voulais faire l'avocat du diable, là, tu Mais sais, je pour que les sais. gens puissent Parce que voir le... moi, mais c'est parce que c'est ça qu'on sert continuellement aux gens, des pseudo-experts, puis la plupart du temps, on les nomme même pas. Tu es assez gentil pour en nommer un supposé expert de Maisonneuve Rosemont qui a plein de subventions de Melinda et Bill Gates Foundation. Faut chercher un petit peu l'information pour savoir pourquoi il parle de même, lui. Mais le docteur Marquis n'est pas un spécialiste, un urgentologue qui aime bien TV. Fait qu'il doit être payé très cher pour faire son show. Mais quand on parle de vrais spécialistes, c'est pas ces spécialistes-là, moi, qui m'informent de ce qui se passe vraiment. Puis c'est pas prouvé. C'est pas réel de dire que ça te protège contre les formes plus Grave. graves. En 2 ans, c'est défaite, ça. Au début, c'est ce qu'ils disaient, la première année, mais là, c'est plus ça partout, parce qu'ils sont plus capables de justifier qu'après 3 doses, tu tombes. J'en ai plein dans mon studio, moi, des triples vaccinés qui sont toutes. Il y en avait 4 cette semaine chez eux, malades, là. Et là, il a dit, vous avez le COVID-19. Premièrement, le test du COVID-19, c'est impossible que ce soit un COVID-19 2 ans plus tard. Il a dû muter 4 000 fois. Plus capable d'entendre des conneries. Moi, c'est ça, je vous dis, je suis plus capable. Quand je vois ça, des données du COVID-19, premièrement, faudrait-il encore le trouver, cette crise de COVID-là? Parce que ça n'existe plus, il a muté tellement que c'est plus ça. Non, c'est plus le virus qui circule, puis on a parlé du variant puis du sous-variant PCR. et micron. Attends, David, je veux juste Oui. terminer. Puis on peut pas l'identifier, ce virus-là, vraiment, au test PCR. Fait que c'est quoi cette idée de test PCR jusque dans le fin fond du nez pour te dire que tu as le COVID-19 quand ils sont même pas capables de l'identifier il y a 2 ans, encore bien moins aujourd'hui? Il a muté. À un moment donné, il faut raisonner. Puis test PCR, on le sait maintenant que c'est de la magouille. Ben oui. C'est international, les amis, là, ce que je vous dis là. Tout le monde sait que les tests PCR, c'est une bullshit. Premièrement, ça teste, c'est pas fait pour ça. C'est un outil de travail et non un diagnostic. Ça séquence une partie du virus seulement, puis encore là, ça peut détecter un virus à ta naissance, tu sais. C'est à 45 cycles, comme ils l'ont testé pendant 2 ans quasiment. Je sais pas si le Québec a fini par descendre à 30 ou 25, là. Mais ça fait des années qu'ils nous manipulent avec des fausses données. Fait que même ces données-là que je vous donne, je suis pas mal sûr que c'est pire que ça. Ça, c'est ce qu'ils disent dans le tableau officiel du Québec, mais la vraie réalité, on va le savoir dans quelques années, vraiment. C'est ça, je dis, ils nous mentent partout. Exactement. Probablement la même chose pour les effets secondaires là, liés à l'injection. T'as-tu lui donné Pfizer, les amis, qui ont sorti il y a 3 semaines, 1 mois? Pfizer est obligé, hein, a été condamné par la Cour suprême aux États-Unis de dévoiler ses 55 000 pages, je crois, par mois de leur expérience, parce qu'on est encore en expérimentation de la vaccination. Et puis, les données qui ont sorti, c'est effrayant. Mais pendant que vous regardez la guerre en Ukraine, ben ici, ce que vous apprenez pas, c'est que Pfizer est incapable de justifier ses vaccins. Ça fait plus de dommages aux gens que le problème lui-même. Puis il y a un tableau qui est sorti, je ne sais pas si je pourrais le retrouver pour vous l'envoyer, peut-être ça peut être intéressant pour les gens. Il y a un tableau qui est sorti sur toutes les graves infections, pandémies, épidémies qu'il y a eu dans le monde dans les 200-300 dernières années. Parce qu'on a un répertoire aujourd'hui, peut-être pas 300 ans, je ne sais pas jusqu'où ça remonte, mais même année, tu vois, grippe espagnole, 45 millions de morts, 14 % de pense de la population qui était touchée, mort. T'arrives au COVID-19 et t'es à 0,07 avec 5 millions de morts à l'époque. On est en pandémie! Hey! C'est parce que depuis 2009, l'Organisme mondial de la santé a changé le critère de pandémie. Et là, le critère, c'est plus de s'appuyer sur le nombre de morts, mais le nombre de cas. On est dans une pandémie de cas. Ben oui, puis maintenant, grâce à l'OMS, un asymptomatique qui transmet la maladie. Mais ça, c'est faux. En tout cas, moi, mes sources d'information pour les gens qui veulent le savoir, c'est toujours des gens indépendants. Pour remonter, il faut faire de la recherche. Quand quelqu'un parle, il faut savoir qui est en arrière. Bien, Et qui moi, le le finance, Canada, comme on tu le sait que c'est disais l'Institut avec Trudeau. le docteur Marquis, là, c'est ça, il faut regarder c'est qui lui donne des subventions et qui le nourrit. Ouais, ben c'est ça, je l'ai remonté à la chaîne, je vous le dis. C'est subventionné par Melinda Bill Gates, cet hôpital-là, puis particulièrement un département où ce que Marquis aurait. Je sais pas, ça fait déjà 2 ans que j'ai. C'est quand il est sorti, Marquis, j'ai checké ça, j'ai oublié, là, mais. Alors, vous êtes capable de trouver l'information, les gens, si vous voulez. T'sais. Pourquoi quand Mme Bonnell, je l'ai découvert? C'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui en parlent, puis là, je vais voir. Puis là, je me dis, ah, elle a fait quoi? Puis là, je recherche, t'sais, on remonte le fil un peu, voir si elle est indépendante vraiment, ou c'est qui qu'elle paye, elle travaille comment. Faut vraiment penser de même aujourd'hui. Parce que les gens qui me donnent l'information, ils ont présentement, vu qu'on est en propagande, il y a beaucoup d'intérêts en enjeu. Alors, faut pas être naïf, faut être très intelligent, puis être très vif d'esprit. Exactement. Mais tu soulèves un point intéressant, c'est-à-dire que par rapport à la crise liée à ce qu'on appelle la pandémie, tout d'un coup, oups, on tasse ça, puis là, c'est la menace là, de l'Ukraine. Puis on parle juste de l'Ukraine là, comme c'était l'enjeu principal international. En quelques jours à peine après qu'on nous ait mis un gros confinement pendant le temps des fêtes ici au Québec, le couvre-feu, puis un paquet de mesures, puis là, oups, ça a changé bout pour bout là, il y a quelques semaines. Ben, il y a quelques semaines, mais c'est parce qu'ils veulent pas que tu vois les résultats de Pfizer, parce que ce que là, on capote 300 morts il y a 2 jours, mais il y a eu 500 000 enfants de mort pendant la vaccination quand ils n'étaient même pas atteints de la maladie. Mais on n'en parlera pas. On va rester niaiseux. OK? Ça, c'est sans compter les athlètes qui se mettent à tomber, des joueurs de football, de basketball, qui font toutes des crises cardiaques ou même il y en a qui en meurent. Puis ah, il me semble qu'il n'y avait pas ça Était avant. pas en forme. Ben oui, ben c'est ça, des jeunes en fleur de l'âge, des athlètes, ils se mettent à tomber partout en Europe, aux États-Unis. Oh, fou, le monde est fou. C'est fou le monde dans lequel on vit, c'est assez fou, merci. Moi, je trouve ça fascinamment fou, mais c'est fou. Mais il ne faut pas être naïf. Ça nous enlève notre naïveté. Si on parle de l'individu, là, les gens, Ben oui. moi, j'ai perdu beaucoup de ma naïveté. On était tous des poissons rouges. Moi, il y a 3 ans, j'étais un poisson rouge dans mon bocal. Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été sceptique par rapport aux médias, notamment là, depuis le déclenchement là, de la guerre en Irak, où Colin Powell des États-Unis, comme dirigeant, avait été dire à la population, pour les mobiliser pour, dans le fond, qui créait le consentement à la guerre en Irak, que l'Irak avait des armes de destruction massive. Mais ben oui, c'était pas Je me suis vrai. fait Powell avec ça. Regardez, on a trouvé. Ils n'ont rien trouvé pendant tout, il n'y avait rien. C'était Ben non, vrai. exactement. Mais inquiète-toi C'était pas qu'une. l'enjeu. Ben c'est ça, mais inquiète-toi pas qu'une fois qu'ils sont rentrés en Irak, qu'ils ont resté là puis qu'ils ont pris le contrôle du pays, les Américains. Ben, c'est pas vraiment les Américains. C'est plutôt un peu comme le pays dans un pays. C'est-à-dire? Pour moi, les États-Unis sont dominés par ce qu'on appelle le Washington Pays Country. L'État de Washington, qui est un pays dans un pays, comme Londres, à Londres, Avec la exactement, City, là. c'est un pays dans un pays, l'Italie. C'est ça le Deep State, les oligarques. C'est comme ça qu'ils contrôlent le monde en se créant en contrôlant un territoire. Puis ils sont comme dans un pays, dans un autre pays. Washington, c'est un pays à l'intérieur du pays. L'État de Washington. C'est considéré comme un pays à l'intérieur des États-Unis. Les décisions viennent de Washington, fait que ça vient pas nécessairement des Américains, parce que je pense pas que les Américains ont voté pour bidon en posant avec tout ce qu'on apprend maintenant. Que donc avait donc encore raison les complotistes il y a 2 ans? Mais non, on était des complotistes. C'est sûr qu'il y a eu des révélations depuis 2 ans en lien que de la fraude électorale. Par contre, l'attention des gens est rivée sur l'Ukraine. Ben c'est ça, c'est du divertissement. Là, pendant qu'on vous met l'attention sur l'Ukraine et la Russie, ben, il y a Pfizer qui sort ses données d'horreur puis que personne n'entend parler. C'est ça, là, tous les petits jeux d'arrière-plan qui se passent en arrière, ça continue pendant ce temps-là. Mais le plus gros du problème, c'est pas la Russie et l'Ukraine. De toute façon, pour moi, c'est terminé d'ici fin avril, ça. Il n'y en aura plus de guerre entre l'Ukraine et la... J'avais dit fin mars, mais à cause des armements qu'on fournit... je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit dans un autre de l'audio qu'il n'y aurait pas d'armes, qu'il n'y aurait pas d'armée qui se rendrait en Russie et en Ukraine, pardon. Il n'y a pas eu d'armée. Les États-Unis, à part menacer, ils ont envoyé quoi? Des armes. Le Canada, ils ont envoyé des armes et de l'argent. Ils n'ont pas envoyé de soldats. Pourquoi? Parce que les armées n'écoutent pas ces gens-là. La France non plus, y a-t-il une armée française en Ukraine? Ils ont de l'argent, ils envoient des armes, ils envoient de l'argent, mais ils vont pas se battre. Pas d'armée officiellement, mais là, il y aurait eu un Canadien tireur d'élite qui aurait été, quelques petits Ah particuliers ben, ici et je là qui sont tellement concernés avec sais une plus. grandeur d'âme, qui sont présentés comme étant les sauveurs de l'Ukraine. Oui, puis j'ai vu je ne sais pas si les gens ont vu ça, mais moi j'ai vu j'ai arrêté de regarder ça me faisait trop souffrir, là, mais j'ai vu des gens qui sont partis volontaires pour aller défendre l'Ukraine, puis ils sont plus capables de partir de là, ils se font tirer. Ah, ça me surprend Des pas que ça témoignages, des gens, là, qui a il été y a un pris au monsieur qui a pris piège témoignage, de j'ai trouvé. l'endoctrinement, un peu comme tu te rappelles dans la vague là, du califat avec l'État islamique, il y avait des jeunes un peu partout à l'international qui ont été au Moyen-Orient, puis ont dit on va aller participer au califat, ça va être grand, puis ça va être beau, puis des petites filles se faisaient miroiter là, vous allez vivre dans des palais, puis vous allez avoir des belles maisons, mais finalement ils se ramassent là, puis sont traités comme de la marde. Finalement, c'est un harem pour des prostituées, juste Ben, pour exactement, ils sont ça. traités comme des. De ce que j'ai vu, en tout cas, il y a une télésérie d'ailleurs sur Netflix là, par rapport au califat. Puis, tu sais, ils montraient les jeunes filles qui étaient bien fascinées par ça. Puis, une fois sur place, ben, hop, on leur enlève le téléphone intelligent. Ensuite, on les amène à porter le voile, puis tout l'habillement, puis. Ouais. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je dis, bon, mais que les gens, individuellement, si les gens doivent se rendre pour aller, si tu croyais à ça, puis se rendre, j'ai pas de pitié, là. Je comprends que chacun vit son plan de vie, puis son karma, puis on n'a pas, j'ai pas à juger ça, mais j'étais pas capable de regarder les images de ça, je trouvais ça trop, ça, il y a un niveau de sensibilité, je suis plus capable d'absorber des choses aussi violentes, là. De les regarder, j'aime mieux couper, mais je suis pas surprise d'entendre les gens dire le monsieur, il expliquait très clairement, il a essayé de s'enfuir 6 fois ou 5, 6 fois, puis il a réussi, mais il était là bénévolement, là. Puis il était menacé d'être tué s'il partait. Ils veulent pas de témoins de ce qui se passe. Faut jamais oublier ça non plus. Exactement. Puis, tu sais, il peut se dérouler, dans le fond, des crimes de l'humanité, des Russes par rapport aux Ukrainiens, mais ça peut être les Ukrainiens aussi qui en commettent par rapport à leur propre population, là. Ben, c'est plutôt ça que je vois présentement. Moi, Poutine, jusqu'à présent, je trouve que ce qu'il a dit, il l'a fait. Il a dit qu'il rentrerait, qu'il assiégerait pas le pays, qu'il éliminerait, excusez-moi, ça sonne, je suis désolée, qu'il éliminerait certains laboratoires, Kiev n'était pas un intérêt. En passant, ils sont pas rentrés dans Kiev. Hein. Ils entourent tout le contour de Kiev, assez loin de Kiev. Ils contournent Kiev pour aller plus vers le nord-sud, vers l'ouest. Mais Kiev, des fois, je dis aux gens, ben, Poutine, Trump, tout ça me. Pas si important, mais est-ce qu'ils font ce qu'ils disent? Les babines suivent-tu? Les bottines suivent-tu les babines? Oui. Là, t'écoutes bidon. Oh, on va aller faire la guerre, on va aller faire l'armée, on va envoyer l'armée. Il n'y a rien de ce qui se passe là, de ce qu'il dit. Fait que t'es qui, toi, là? Fait que c'est dans ce sens-là. Faut Oh oui, regarder. ben Biden, il est comme un petit chien qui jappe, là. Là, il accusait Poutine de crimes de guerre. Tu sais, des... Comme s'il était vierge, lui, tu sais. Ben, c'est ça, exactement, là. Tu sais, il est qui pour faire la morale, là, tu sais? Tu J'ai sais, même c'est... vu une entrevue, David, sur Trump, parce que ça a rapport avec de ce qu'on parle. J'ai vu, je ne sais pas quand il a fait cette entrevue-là, c'est en dedans de la dernière année. Puis l'intervieweur lui dit, Poutine, c'est un tueur. Puis Trump, il dit, ah oui. Mais il dit, pensez-vous qu'aux États-Unis, il n'y a pas de tueur dans ce genre-là ou là? Ouais. Ben, puis là, il dit, même moi qui ai pris des décisions, j'ai fait des erreurs qui ont entraîné la mort de certaines personnes. Je suis un tueur aussi. Il dit. Ah, c'est intéressant. Ben, c'est ça quand je dis, il faut écouter un peu plus de choses que la TV. Quand tu découvres, là, je suis restée comme, ah! J'ai réécouté. C'est comme, ouais, oh non, j'ai-tu bien entendu? Mais là, c'est un peu ce quand je dis, on combat pas, on parle pas japonais et chinois. Tu peux pas combattre. Les oligarches mondiaux, dont Poutine et compagnie, en ont des liens aussi, là. Puis Trump fait. Mais là, c'est une guerre entre eux qui se fait pour des nationalistes et mondialistes. Bon. Après, on verra, on fera. C'est ça qui se passe. Je dis pas que Poutine puis Trump est mieux. Je dis qu'ils ont une fonction. C'est que le plan mondialiste qui était prévu pour contrôler ne marchera pas. Ben Ils moi, je trouve vont ça passer. intéressant, le revirement de ces situations, dans le sens que tout récemment, Poutine a dit aux pays d'Europe, ben, si vous voulez avoir nos ressources, vous allez payer en rouble. Donc, À moitié prix. À moitié prix. Un instant, Monsieur David. En rouble d'or, moitié prix. Ça lui coûte moins cher, mais il faut que tu payes à moitié prix, mais tu me payes en rouble d'or. c'est ça, mais ça met fin à l'hégémonie de la monnaie américaine comme étant la seule pour transiger par rapport à l'achat de, dans le fond, d'énergie, là. Ben, il y a ça, puis il y a un autre volet à ça qui vient de m'échapper. Tu as dit ça, puis j'avais passé bien vite. Il y a l'argent qui change, ça donne ça fait tomber un peu le dollar américain comme monnaie d'échange internationale, mais ça a le double impact. Des fois, ça va vite, hein? Mais c'est La parce flash est que passée. derrière ça met fin à la volonté mondialiste américaine que toutes les transactions financières liées à l'achat de l'énergie passent par leur monnaie. Ouais. Donc ça les remet un petit peu à leur place en disant ben on peut fonctionner indépendant de vous autres, fait que ça défait le mouvement mondialiste qui avait cours là, depuis plusieurs décennies là. Oui, puis Poutine en vend, oui, ça vient de me revenir, en vendant son pétrole, en passant l'Europe, dont la France dépend de 35 % de cette ressource-là, là, Macron puis compagnie accusaient Poutine de les assécher puis de les laisser crever avec leur dépendance en pétrole. Il a dit non, non, je vous le vends à moitié prix, mais paye-moi en rouble d'or. Mais moi, ce que Il j'avais entendu est dire, par contre, fier. c'est que Poutine leur a fait un ultimatum, comme de quoi, il y a quelques jours, j'avais vu ça sur Internet, là, par rapport à un article de Journaux, que si les gens ne voulaient pas payer en rouble, ils approvisionnaient plus, là. C'était vraiment un Non, c'est ça. ultimatum. Mais il a sa propre. C'est un nationaliste, il a toujours été. En passant, les amis, il faut comprendre que Poutine, premièrement, il a essayé de rentrer avec eux autant dans les années 80, c'est ça, je te dis, dans les années 90, 91, il y a eu des démarches qui ont été faites quand l'URSS s'est défait, la Russie a voulu rentrer dans l'international, dans les échanges internationaux, de faire partie même de l'OTAN. On sait que Poutine a demandé, mais en 2011, Poutine, il a viré bout pour bout parce qu'il a dit, ils veulent rien savoir de nous autres. Peu importe, juste le fait d'être russe, c'est déjà, on est fait. Fait que, puis là, ils parlent d'eux autres, c'est le 1% de la planète que je parle, là. Je parle pas des individus comme moi ou des amis, un peuple. C'est pas le peuple qui est contre. C'est les oligarches occidentaux qui sont contre les oligarches russes, probablement, et d'autres. Donc, ils disent, ben, ça donne rien qu'on se bat, essayer de se faire une place avec eux autres, ils veulent rien savoir de nous autres. Donc on va se construire nous-mêmes, puis c'est ce qu'il a fait. Il a rebâti l'armée. C'est pas pour rien que l'armée la plus puissante au monde présentement, défensive en passant, ce qui est très différent d'offensive, parce qu'il s'est reconstruit. Et sinon, l'armée russe était à terre dans les années 80. Il n'y avait même plus d'armée, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. Pourquoi Poutine, il serait élu dans son pays, puis qu'il a été réélu? Parce qu'il a fait quelque chose de son peuple, David. C'est ça qu'il faut comprendre. Poutine, il a viré bout pour bout en 2011. Oui, mais en même temps, ce qu'il faut dire quand même, c'est que lui exerce un grand contrôle de l'information en Russie, dans le sens que si quelqu'un s'oppose à lui moindrement, il va s'organiser pour qu'il soit tassé. Les gens qui s'opposent présentement à l'opération militaire en Ukraine, dans la rue, sont arrêtés, même des gens avec des feuilles blanches, là. Même ça, Mais c'est on va avoir le considéré. même problème avec les Ukrainiens qui parlent de la guerre. S'ils sont pro-russes, vont être arrêtés. Puis s'ils sont Ukrainiens, ils sont pro-russes. S'ils ont une opinion que la Russie est mieux. C'est parce que là, tu me donnes un exemple boiteux pour moi. Parce que ce que j'essaie de te dire, c'est que dans un monde pas de guerre, la Russie est plus démocrate. On n'est pas rien qu'un hostie de programmation que la Russie n'est pas un pays démocratique et s'est rendu un pays beaucoup plus démocratique que notre propre pays, le Canada, les amis. Mais on ne s'est pas rendu compte encore que nous, on n'est plus dans la démocratie ici depuis longtemps. Chris, c'est rendu qu'il y a deux partis. T'as pas vu la coalition du Parti libéral Trudeau avec Oui, Singh avec le NPD, là, avec Jack Singh? Medicine. Tabarnak, les amis. Puis le petit poil, là, l'autre bord, le conservateur, qui fait partie aussi de l'oligarchie mondiale, puis qui fait semblant que non. Pensez-vous qu'on a un autre parti là? Non. C'est ici qu'il est en train de s'installer le communisme et la dictature. Puis ça marche pas. C'est des modèles qui ne fonctionnent pas. C'est temporaire. Puis ça finit où par exploser. Puis ça a foutu la merde dans le pays. Puis c'est tout. Ça marche pas. Il n'y a aucun pays communiste qui a maintenu sa ligne de conduite. Bien, Depuis il y a la que. Chine, quand même, pendant Même plusieurs plus la Chine décennies. n'est plus un pays communiste. Il essaie de te faire croire ça. C'est bien plus un pays en voie de développement capitaliste qu'autre chose. Bien, Voyons au niveau donc. économique, oui, ils sont capitalistes, mais au niveau politique, c'est toujours le même parti qui est au pouvoir depuis plusieurs décennies. Ben, trouve-moi un pays où il y a une vraie démocratie. Trouve-moi-en un dans la planète, par rapport à nos croyances, là. Non, Parce non. que tu fais Pour moi, croire c'est que. sûr que le Canada, c'est une démocratie factice. On nous donne l'impression que c'est une démocratie, C'est ça. mais le fait que c'en est pas une, ben, on le voit de plus en plus clairement, là, depuis 2 ans, toutes les mesures dictatoriales qu'a faites Ah Trudeau. non, mais c'est ça que je dis. On est là à dire la Chine n'est pas démocrate, n'est pas démocrate, mais pas démocrate, le pays n'est pas démocrate. Mais nous non plus, nous ne sommes pas démocrates. Exactement. Sauf qu'on ne sait pas. C'est pour ça que Poutine il dit il va falloir que l'Occident enlève ses petites crises de lunettes roses puis voie la réalité à un moment donné. Parce qu'il dit, Poutine, un jour, maintenant, en conférence. Il dit, ben là, il va falloir que les gens de l'Occident enlèvent les petites lunettes roses pour voir la réalité, parce que c'est pas ça, là. Parce que nous, on croit, les gens croient encore beaucoup que quand tu vas voter, ça se rend. Mais le vote au Canada, il est aussi manipulé qu'il l'est aux États-Unis. T'as arrêté de me dire que c'est pas vrai, Chris, je t'ai écœuré de l'entendre. Ça fait 2 ans qu'on vous dit que les États-Unis, que ça, c'est des élections volées. Là, on le voit, là. C'est prouvé, mais personne ne veut l'entendre. Il n'en Fait qu'il y a parle pas plus dans les les médias de élections qui sont masse. contrôlées. Il y a tous les tribunaux. T'as pas remarqué l'augmentation? T'as-tu vu l'augmentation des juges de la Cour supérieure à combien ils ont monté le salaire cette année, Legault? Pourquoi tu penses qu'il a fait ça? C'est parce qu'il y a des poursuites qui s'en viennent contre eux autres. Tabarnak, réveillons-nous. Oh, bon, ça y est, je suis pompée. Non, mais c'est correct, ça fait un enregistrement qui est beaucoup plus dynamique parce que c'est vrai que c'est contrariant. Dynamique, les amis, parce que la madame est en train. Mais moi aussi, ça me met en colère, toute la magouille puis la manipulation qui est faite. C'est un petit peu comme les contrats sans appel d'offres qu'on a depuis 17 2 ans. milliards. 17 milliards en 2 ans de contrat, tabarnak, on pose toutes les questions, il ne faut pas nous poser. Puis surtout, le projet de loi 28, c'est juste pour vous faire fermer la gueule parce qu'on ne veut pas qu'on. Hey! On va aller voter, puis croire encore qu'on vote pour un parti quand il manipule. Non, non, là, à un moment donné, réveillez-vous, là. Ça marche pas. Puis c'est pas vrai qu'ils veulent notre bien. Ou ils veulent notre bien, puis ils vont l'avoir en termes de Ils possession. veulent notre bien, oui. En termes de possession, les mondialistes, s'ils mettent la main sur les réserves d'eau du Québec, les réserves de minéraux, en nous endettant depuis au-dessus de 2 ans, là, si on pense au Canada, je pense qu'il a presque doublé la dette totale du Canada, Justin Trudeau, en 2 ans, de ce que j'ai entendu là, récemment. Là, Exactement. Il a doublé quasiment la dette nationale. c'est vraiment une aberration, là. Personne ne pose de questions, voyons donc, toi. Puis Exactement. ça me rend folle de rage des fois. Il faut que je m'arrête parce que c'est. OK, il faut que j'accepte qu'on vit sur une planète de marde, là, mais ça commence à être légèrement nauséeux, là. Oui, exactement. Puis moi, ce que je sens, c'est la pression économique, dans le sens que tu le vois comme moi, puis moi, le coût de l'alimentation qui augmente, ensuite l'habitation, le coût des articles aussi. Fait que tout augmente. Présentement. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on cherche à détruire la classe moyenne puis à appauvrir massivement les gens. C'est ce que j'ai dit il y a 2 ans, que l'objectif de cette pandémie, de cette pandémie, c'était d'écraser la classe moyenne d'un pays occidentaux. Et j'ai raison. Puis peut-être que Klaus Schwab aura raison tantôt en disant, vous ne posséderez rien, mais vous allez être heureux. Ah, tu fais Dan Pilon quand tu l'imites et tout, hilarant. Ouais, mais malheureusement pour lui, il est dans le trouble, ça se passera pas, je vous le dis, ça se passera pas. Mais je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne vais pas vous dire l'avenir, mais je sais que ça ne se passera pas. Mais là, tu nous mets la puce à l'oreille à défaut de nous la mettre sous la peau. Parce Ouais. que moi aussi, j'ai l'impression que ça ne se passera pas, mais ils vont tout faire jusqu'à la dernière minute, j'ai l'impression, pour faire passer le plan puis nous faire avaler de ça de force. Exactement. Là, on assiste, parce que si on veut parler de perception, c'est intéressant ce qu'on parle. Parce que là, ce qu'on assiste, moi, quand je parle aux gens, les gens, ils disent oh, ça s'installe partout dans le monde. Non, on est en train d'être témoin de la mort de ce monde-là. Parce qu'on a moins en moins de capacité. Là, ils n'ont vraiment pas de solution avec Poutine, son fourré merde. Fait que c'est la mort de cet univers financier, de mensonges, des banques. Parce que tout cela, là, on parle des banques centrales. On monte. Au Rockefeller, le Rockefeller, les Rock, toutes les Rock, Rockefeller, oui. la planète. Les banques centrales, il y a 350 ans, c'est la formation de ces banques-là. C'est eux qui sont en train de sauter. Donc, on est témoin de la fin de ce monde-là et non de leur début et de leur implantation. Pour ça, je dis que ça ne passera pas. C'est terminé, mais ils nous font croire l'inverse. C'est ça quand je dis. Ils maîtrisent les médias, ils maîtrisent les cours, puis ils maîtrisent la finance. Mais ils ne maîtrisent pas l'esprit. Oh, t'es plate. Puis il y a de plus en plus d'esprits sur la planète. Il n'y a pas rien qu'au Québec. Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens très, très éveillés. Sa planète, c'est surprenant. Moi, ça, je trouve ça intéressant. Je peux me faire plein d'amis dans le monde présentement. On est tous d'accord. Non, Sur exactement, c'est juste qu'on les voit pas dans les Québec. médias de masse. Hein? J'ai dit, c'est justement, c'est sûr qu'il y a plein de monde partout qui sont éveillés, c'est juste qu'on les voit pas dans les médias de masse. Non. Puis ça sera jamais une. Tu sais, je te disais ça un petit peu. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas de majorité qui change la planète. Ça n'existe pas, ça. Ça prend une masse critique pour changer quelque chose. Et nous l'avons atteint, la masse critique, depuis longtemps. Non, c'est inversé. Fait que c'est la fin de ce que les autres essaient d'implanter qui se passe. Ça ne pourra pas. Mais ça va se faire, à mon avis, très, très lentement, le plus en douceur possible, sur quelques années encore. Oui, bon, tu sais, on parle de pénurie, oui, mais je vois pas de pénurie. Je voulais, tu sais, on en parlait un moment donné, mais moi, je pense qu'une réserve d'un mois ou deux, c'est en masse. Puis, tu sais, au Québec, crever de faim, il faut vouloir en tabarnak. Vraiment. C'est pas nous qui allons souffrir le plus. C'est les pays pauvres qui ont déjà de la misère à manger présentement, il y en a plein. En passant, la moitié de la planète crève de faim. Qu'est-ce qui va arriver? C'est encore eux qui vont être encore coincés. C'est toujours en bas qu'on étouffe, là. La classe moyenne va tomber pauvre, mais les pauvres, ils tombent où, eux autres? Bien, c'est sûr, il risque de tomber en famine, là. Il y a des questions. J'avais vu un article qui disait que par rapport à l'Afrique, il y a des pays qui s'approvisionnent massivement là, de la Russie et de l'Ukraine par rapport au blé pour produire le pain et que ces gens-là allaient se retrouver en situation d'urgence alimentaire, là. Je ne serais pas surprise, mais que Poutine lui fait un bon prix. Le Mali s'est joint à Poutine en passant il y a pas quelques semaines là. Parce que le Mali était noyauté par des djihadistes de marde financés par des bidons de marde. Mais personne connaît l'histoire du Mali, on s'en calisse. Mais moi, je la connais, l'histoire du Mali. J'étais allée au Sénégal, puis le Mali est juste à côté. Puis je les aime, les Maliens, moi. Fait 40 ans qu'ils sont charriés par les gouvernements de communistes, de marde, de dominateurs, de contrôle, des dictateurs viennent de crisser ça, là, dehors. C'est un président élu qui est là, OK. puis qui a demandé à s'associer au système économique de Poutine. Il a bien raison. Mais là, on va voir si le Sénégal, qui est contrôlé par la France, ils vont faire comme ils ont fait avec le Burkina Faso quand ils ont descendu Sankara. En tout cas, on C'est-à-dire? va s'arrêter là parce que moi, je connais beaucoup l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, mais ça n'intéresse personne vraiment. Là. Ben, moi, je m'intéresse à ce que tu dis, Baudor, parce que c'est des choses que j'entends pas parler là, dans les médias de masse. Sankara, ça a été le président élu par le Burkina Faso. Ça a été le premier. Ça fait longtemps, c'était dans les années 70. Les dates, là, fiez-vous pas sur mes amis, vous chercherez. Mais grosso modo, l'histoire, c'est ça. C'est un président qui avait l'intelligence. Le Burkina Faso, c'est un pays enclavé entre le Sénégal. Il n'y a pas d'accès à la mer. Tu as le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, puis c'est enclavé en bas, c'est le Bénin, je pense. Oui. Bref, c'est un pays enclavé. Qui n'a pas été dominé ni colonisé trop par. Oui, il était colonisé par les musulmans, parce que c'est un pays musulman, de croyance musulmane à 90% maintenant. Mais il reste que c'est un peuple qui est resté assez près de sa culture initiale, je dirais. Parce qu'on a, le Burkina Faso, ça veut dire le pays d'un peuple intègre. Et Sankara, il est sorti du lot, puis il a travaillé pour l'autonomie de son pays, autrement dit alimentaire. Puis il a voulu rendre son pays indépendant alimentairement. Ça n'a pas plu à la France. Donc, ils ont concocté une petite merde, comme ils le font avec aujourd'hui avec des bidons de ce monde-là. Une petite merde pour l'assassiner Sankara avec la complaisance de la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de la France. Et ça a été son meilleur ami qui l'a assassiné. Oh, ça me surprend pas que des nationalistes s'en prennent à quelqu'un qui veut être Nationaliste, puis il veut mondialiste, faire de pardon. la mondialisation. Ouais, c'est ça, c'est des mondialistes qui s'en prennent à quelqu'un qui veut être nationaliste puis être autonome, là, un peu comme Kadhafi en Afrique. Kadhafi, c'est exactement ça qui s'est passé. Ils voulaient être autonomes, puis ils se sont arrangés pour le tuer. Exactement, parce que les forces mondialistes vont saboter tout effort d'autonomie. Parce qu'eux autres veulent garder le contrôle puis garder tout le monde dépendant de leur système. Puis là, moi, ce que je vois, c'est l'enjeu, ce que des mondialistes sous influence de, entre autres, technocrates veulent mettre en place une dictature technologique à l'échelle internationale où ce que chaque résident de la Terre ait son identité numérique. Puis c'est pourquoi tu penses qu'il faut la guerre à Poutine? Parce que t'es un nationaliste. Exactement. Puis Trump avait di été discrédité parce que c'est Et un Trump, c'est un nationaliste nationaliste. aussi. Il était America first. Ouais. America first again, Oui, nationaliste. exactement. Puis Great America, make Great America aussi. Fait que c'est ça, les nationalistes sont raboués par les forces mondialistes. C'est plus que rabouer, ils sont éliminés. Oui. Mais tu sais, quand tu te fais tirer une balle, tu sais, finale. T'as pas vu le. Je suis surprise que le gars du Bélorusse, soit pas encore mort. Moi, là, je sais pas qui le protège, là, mais la Biélorussie, le président de la Biélorussie a envoyé chier le Deep State. Il a déclaré publiquement qu'il avait eu une offre de 660 millions pour implanter la pandémie dans son pays. La Biélorussie, c'est à côté de la Russie, c'est pas ça. Il Oui, doit être exact. protégé par les Russes, parce que sinon, il serait mort. C'est ça, j'avais entendu aussi cette nouvelle-là qui n'embarquait pas dans le jeu. Puis là, c'est sûr qu'il mettait en échec le narratif officiel. Ben moi, j'ai vu son entrevue. J'ai vu le monsieur parler avec la traduction. Puis c'est ça qu'il disait, là, qu'il avait reçu l'offre de 660 millions de dollars envoyés dans son pays pour implanter tout le protocole de la pandémie. Mais non, t'as virus qui vient de des airs. Ben oui. Rien que 660 millions pour implanter un protocole de pandémie. Je sais pas. Ils te fournissent le virus avec, en passant, il est pas cher. Ça fait partie de la trousse de départ. Il fournit, il te le donne, c'est gratuit. N'importe quoi. Mais bref, on commence à. Vous voyez comment ça marche, ça, je veux dire, là, je me moque parce que je veux mieux en rire que d'embrouiller. C'est très difficile d'être lucide, conscient et sensible et de voir toute cette merde, puis de garder, de se détacher du collectif. Oui, je comprends, mais en même temps, je vis ici, moi, là, je ne vis pas sa planète foin foin encore, là. Donc, des fois, c'est dur d'être témoin de ça, là. Non, exactement. C'est sûr que je trouve difficile avec ce qui se passe en Europe de l'Est, c'est de voir que tous ces gens-là sont manipulés, autant ceux qui sont. Ouais. Mais ça a l'air que c'est ça le karma planétaire, mon grand. C'est ça qu'il faut accepter. Je comprends ce qui se passe, mais de ne pas en souffrir, ce n'est pas toujours possible. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'il Je faut être pense. dans l'empathie plutôt qu'être dans la sympathie. Ben, l'empathie, est-ce que. Moi, j'ai de l'empathie si je peux faire quelque chose, mais si je ne peux pas faire quelque chose, je deviens plutôt indifférente parce que je ne peux rien faire. Que puis-je faire, moi, pour changer ça? Rien. La seule Non, chose ben, tu que n'as je pas peux faire, nécessairement à c'est venir intervenir à ce me niveau-là, mais ce que je voulais dire, c'est que l'empathie, c'est de constater, par exemple, la personne qui souffre, tandis que la sympathie, c'est adhérer émotivement à la souffrance de l'autre. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est être empathique à la situation mondiale en Ukraine, la Russie. Oui, je suis empathique, mais en même temps, je trouve que c'est un mot qu'on met. Mais je sens rien. En fait, je sens rien. C'est que je peux pas sentir de l'empathie pour une situation que je suis pas capable d'agir, puis que je connais personne, puis que y a pas j'ai pas de lien. Je sais pas comment dire ça, là. J'ai pas de lien avec ce qui me fait souffrir, c'est pas l'Ukraine, la Russie. Moi, c'est de voir ce qui se passe ici. Les gens effrayés que l'humain se d'en face. Restons ici, là. Je sors dehors à Montréal, il y a encore plein de monde avec des masques dehors, d'en face, puis dans le char. Ah oui, il y en a qui vont être Oh. traumatisés longtemps. Moi, j'ai l'impression que même si le 15 avril, le gouvernement disait, vous n'êtes pas obligé de porter le masque, il y en a qui probablement continueraient à le porter encore pendant plusieurs années, là. On l'a entendu, il y a notre ministre de la Santé qui a été interviewé par Taoui à 98.5 le lundi le matin, là. Espèce de TC, pour ne pas le dire, trou de cul. Radio-Canada, le matin, là, c'est qui? Paul Arcand? Qui dit, ben là, vous n'allez pas enlever les masques à 15 avril, il y a plein de monde qui sont malades, sixième vague, puis l'autre qui répond, ben monsieur, on vous entend, on va checker ça. Ça fait partie de la tactique de manipulation en disant que ça ne vient pas de lui pour utiliser les médias pour dire, ah ben, si vous insistez, on va aller de l'avant avec ça. Le masque. C'est ça qu'ils disent. Le monde demande le masque. Je Ben suis sûr qu'il oui, y en a les qui journalistes s'en dans une conférence de presse récemment avec le ministre de la Santé, ils n'arrêtaient pas de mettre de la pression dans la façon de lui poser des questions pour que le masque soit qu'on continue avec ça. En tout cas, c'est ça que je dis, c'est ça. Moi, c'est ça que ça me fait plus souffrir de voir ça, parce que je suis pris à vivre ça avec ce monde-là. Je veux bien aller vivre entre deux sapins, là. Mais juste de voir ça, il y a une souffrance qui est exprimée. Vivre dans un hôpital à air ouverte, là, c'est pas le fun. Je suis désolée, on est dans un hôpital à air ouverte au Québec. Ah ben moi je voyais plutôt ça comme un camp de concentration nouveau genre. À air ouverte. Ben c'est ça où chacun est à 2 mètres, chacun son masque, chacun ici, ça. Ouais. C'était. Oui, la propagande de dissonance cognitive a très bien fonctionné. Il y a vraiment du monde plus capable de raisonner, là. Puis j'en ai dans ma famille. Moi, j'ai dû couper avec ma famille complètement. Complètement, c'est fou raide, là. J'en ai deux, là, ils sont en train de virer fou bien raide. Aussitôt que j'ouvre la bouche, ils tombent sur le dos, c'est-tu. Non, non, c'est pas une blague. Je suis obligée de me retirer parce que psychiquement, je suis en train de les étamper. Mais eux autres, c'est parce qu'ils croient le propos, puis ils sont doublement vaccinés, ils peuvent pas, ils sont plus capables d'entendre rien. Hein. Juste que je respire, je les dérange, j'imagine. Oui, ben ça me fait penser. Moi, j'avais un oncle qui a acheté le Disco pendant plusieurs mois. Bon, il a pris une dose, deux doses. Puis quand il a eu la troisième, puis s'est mis à trembler alors qu'il était en auto, puis il a de la difficulté à conduire, là, c'est là qu'il a décroché. Puis là, il a dit plus jamais que je vais me faire vacciner là, par rapport à COVID. Mais il a fallu qu'il souffre. Puis là, il a dit, Chris, tu sais, c'est comme je suis dans l'auto, je peux peut-être mettre ma vie en danger à cause des effets secondaires liés à cette injection-là. Fait que c'est là qu'il a allumé. Mais s'il n'aurait pas souffert ça, probablement qu'il serait encore, ben oui, je vais prendre la quatrième, et ainsi de suite. Mais on avait un petit peu parlé au dernier audio. J'ai toujours cette vision où on va payer très cher le prix de notre déni. Ben exact, surtout pour les Et gens qui font qui le ont. déni, pas méchant du monsieur, ton oncle, mais Oui. c'est pas. Moi, j'en veux pas aux gens individuellement. Pas tant, je suis jamais en guerre contre l'individu, dans le sens, je reste très poli. Mais oui, c'est ça, je dis, la propagande qui ont créé de la dissonance cognitive en mentant, changeant les règles, oui, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, n'importe quoi, forever finalement. Ça a créé une dissonance cognitive importante. Les gens qui se sont fait vacciner, ben là, ils pensent que les autres sont corrects pour découvrir 2 ans plus tard qu'un, ils transmettent, ils sont pas protégés, ils sont malades. C'est ça, mais dans son cas, c'est pas si pire parce que c'était juste des tremblements. Mais tu sais, s'il y en a qui font des myocardes ou qui en meurent carrément, ben la personne ne peut pas dire, ben je prendrai pas la quatrième. C'est ça. Mais moi, j'ai un exemple de ça, de gens qui sont virés sur le top. Là, je te donne un exemple. Dans ma famille, j'ai un jeune homme qui a eu une embolie vers l'âge 30 ans. OK. Embolie. 30 ans. Là, en 2021, il se fait doublement vacciner. Embolie à 42 ans. Prochain vaccin, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Il va peut-être aux soins intensifs avec le respirateur, je sais pas. Ça, c'est ta deuxième shot. OK. Il est aux soins intensifs à OK, à ce l'hôpital. point-là, OK. Oh, ouais, non, c'est ça que je vous dis, c'est pas une blague. Et là, je parle avec cette personne-là, puisqu'elle est dans ma famille, je lui dis, t'es mieux d'éviter le troisième, parce que ça, c'est un des symptômes d'effets secondaires qu'on nous cache, l'embolie. Si je vous envoyais le courriel que j'ai reçu de lui, des textos, là, c'est là que je vous dis, la propagande a fonctionné. Je suis, il me traite de malade mental, carrément. Pauvre petit, c'est triste parce qu'il projette sa propre réalité sur moi, parce que quand on parle des autres, puis on accuse, en général, c'est de nous qu'on parle. Mais j'en venais pas de voir à quel point, je me suis demandé si l'injection n'avait pas un effet sur le cervelet. Parce qu'on sait que C'est ça ça, soigne. mais tout ça, c'est des cas. Mais tout ça, c'est des cas, moi, non. T'sais, moi, je dirais jamais à quelqu'un d'éviter quelque chose. Je peux dire, ben, ça serait peut-être pertinent que tu consultes ou que tu regardes des différents avis, C'est différents ça. points de vue. C'est ça, consulte, C'est ça. vérifie, les effets secondaires. C'est ça que je disais, même si je ne l'ai pas dit comme toi, c'est la même C'est ça, chose. mais moi, je vois d'une manière très, très diplomate pour rester libre choix, pour pas ensuite d'être étiqueté en disant, ah, ben, t'es contre le vaccin, gna, gna, gna. Mais non, je suis libre C'est sûr que choix. je suis contre le vaccin, moi. Mais pas parce que je suis contre que tu es obligé d'être en guerre. Ben, C'est c'est quoi ça. cette maladie-là aussi, de parce que je suis contre quelque chose, on est contre quelque chose, qu'on n'est plus parlable. Allez, non, chie ceux qui pensent de même. C'est ça que je pense aux autres, moi. Pas capable de débat, pas capable d'émettre des idées parce que on pense pas comme moi. Hein? Ben, bullshit. Ça mérite même pas d'échanger. Si t'es pas capable de parler avec quelqu'un, d'amener des faits, de prendre position pour toi, assume-la, ta position de vacciné. C'est tout. Si t'as si confiance que ça, assume-la. Exactement. Puis si Viens les. pas me dire que c'est moi qui ai un problème parce que je suis contre. Oui, je suis contre ces vaccins-là. Premièrement, il n'y a pas personne qui va me forcer à me rentrer quelque chose dans le cul sans ma volonté. Si mon acte, pas dur à comprendre. 100% d'accord avec toi, parce que sans ça, c'est une Ah, ça forme de appartient. viol. Oui, c'est plus qu'un viol. C'est une agression qui a même pas. Moi, rendu là, c'est sûr que je vous tue. Je tire une balle si tu ne m'attires pas, Chris. C'est pas compliqué. Ben là, ça devient comme de la légitime défense face à une Totalement. agression qui manifeste, en fait, qui menace l'intégrité physique d'une Ça. substance expérimentale qu'on ne connaît pas les effets à moyen puis à long terme. Mais ce que moi, j'entends des gens ordinaires, du monde comme la famille que je te parle, Oui. c'est ton blabla. Pas moi qui fais du blabla, c'est la TV qui fait du blabla. C'est ça, je dis, tout est inversé d'imperception. Je ne vais pas discuter avec quelqu'un qui est capoté de même. Moi, je me suis arrêté là. S'il veut mourir, s'il choisit de mourir quelque part, entre guillemets, c'est que ça fait partie de son plan de vie, puis that's it, bye-bye. J'ai plus de lien avec ma famille. Pas parce que, dans le sens que je dis, j'ai coupé le dernier lien que j'ai avec ma famille, que ça me fait quelque chose. En passant, je m'en calisse. Ça m'enlève un poids. Parce que je m'en calisse d'eux autres s'ils veulent mourir puis embarquer. Je peux rien faire. Ben c'est ça, c'est leur expérience. Moi, l'oncle que je te parle, avant qu'il prenne la troisième injection, j'y parlais au téléphone. Ah ouais. Puis, tu sais, moi, bon, j'ai dit, je me fais pas injecter. Puis, bon, j'avais des certaines objections. Puis, moi, je le laissais faire. Puis, là, le lendemain, il s'est fait injecter. Puis, là, il y a eu les tremblements. Puis, c'est là qu'il l'a regretté. Mais, dans le fond, en ayant vécu cette expérience-là, moi, j'ai l'impression que là, il est comme marqué au fer rouge. Puis, il a comme décroché là, du narratif officiel, là. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard, parce que c'est bien beau ce qu'on dit là, mais on ne le sait pas, ils ont fait à long terme. Non, exactement. Ils ont découvert que tu peux avoir des spikes protéines dans le corps pour au moins plus que 60 jours après l'injection. Dans le sang, spikes protéines dans le sang ou dans tout ton sang, ça peut finir par une embolie au cerveau, ça peut finir par une crise de cœur, c'est des lames. C'est des micro-lames, des spikes protéines. Ça crée des saignées internes, des inflammations, une péritonite, toutes sortes d'affaires. Myocardite, que Et certains ça, on ne parlent sait là. pas. À court terme, on sait que ça a un impact possible. À moyen terme, on ne sait pas. Fait que c'est ça que je dis. Mais parler de ça avec des gens vaccinés, ils ne sont pas capables parce qu'ils ont peur de ce qu'ils font eux-mêmes. Ils prennent ça parce qu'ils ont peur d'être malades. Puis quand tu lui parles des dangers de la vaccination, ils ont peur, t'as raison. Mais finalement, restez dans la peur, restez-y, c'est pas parlable. Moi, rendu là, je parle plus. Ton nom, c'est différent, il est assez relax. Mais de dire mon opinion puis me faire dire que je fais du blabla, ça me dérange pas. Mais je peux pas parler avec ma famille puis essayer de dire autre chose que ce que je pense si on me parle de ça. Ben Je ne sais pas si non, tu c'est comprends. Je sûr. ne peux pas être autrement que ce que je suis. Quand tu es rendu qu'il faut que je sois autrement que ce que je suis pour pouvoir parler à des gens de ma famille, j'aime mieux dire fuck off. Non, mais t'aimes mieux rester seul puis être authentique que leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ben, je suis moins seule tout seul qu'avec eux autres. Là. Ça, c'est clair, moi, là. Excusez, ça fait 61 ans que je sais ça, en passant, que je suis moins seule tout seul qu'avec eux autres. Ben, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Des familles, là, trouve-moi-en des familles fonctionnelles tant que ça, il n'y en a pas tant que ça. La plupart des gens ont des liens familiaux. J'ai toujours dit, pas besoin d'ennemis avec une famille comme la mienne, mais je pense pas que la mienne soit pire que d'autres. Mais il y en a des pas pires, des familles sur la planète Terre. Ben, tant qu'à moi, l'ensemble de la civilisation humaine actuelle est dysfonctionnel. Oui, Tu totalement. sais, tout tourne pas rond, la corruption politique. J'ai fait plein d'enregistrements avec Berthold où on a parlé de la corruption à tous les niveaux, au niveau scientifique, Alors, juridique, tout. terrible, ça, la science qui nous ment. Oui, tu as raison, excusez. Je t'ai coupé, Non, mais désolé. c'est correct, mon homme, mais le point, c'est que pour moi, la Terre, c'est de la corruption à tous les niveaux. Autant politique que juridique, que médical. Tous les aspects. Puis là, la crise actuelle sanitaire fait ressortir ça, monter à la surface, tout ça. Exact, je suis d'accord. Puis c'est pourquoi on vient ici. On vient sur une planète de Ben oui. marde. Elle est tellement de marde qu'il faut venir ici vous fusionner, c'est intéressant. Fait que finalement, la fusion, c'est dans la marde. Ça se passe. Ben exactement. Ben d'ailleurs, ça me fait penser à le philosophe jovialiste Exactement. André Moreau qui dit que le mal est le fumier dont a besoin le bien pour donner le mieux. Exact. Oh, Monsieur Moreau. Je C'est voulais une te belle mettre au personne. parfum de cette belle citation. Surtout au parfum de la mort, ça Ben va c'est ça. pas. Excusez-nous, les gens. On se taquine. Ouais. On est dans le fumier, puis c'est là que poussent les plus belles fleurs, les champignons magiques. Ça fait partie du paradoxe. Ben, je pense que ça a été souvent expliqué. C'est dans la souffrance qu'on finit par décoller un peu je te dirais, l'âme apprend des choses dans cette souffrance-là, puis tranquillement, la fusion de l'âme avec l'esprit va se faire. Puis on va finir par quitter cette planète-là un jour, dans quelques milliers d'années, là. Mais l'homme, c'est pour moi, l'homme, c'est ça. C'est l'homme ne vit plus sur la Terre, n'est plus un être humain, mais l'homme devient universel. De toute façon, il y a tellement d'autres mondes à connaître que celui-là. Votre problème. M'ennuierai pas. C'est plate, c'était. Ben, ça dépend. C'est-à-dire que être ici a un certain intérêt, car sinon, on n'y serait pas ici. Ouais, il y a un certain intérêt, mais en vieillissant, on en reparlera. Là, je commence à avoir pas mal moins de liens. Il y a plus, tu sais, plus on vieillit, plus il y a des choses qui se règlent ou ben, on finit par se tanner, là, ça dépend. Mais peu importe, j'ai pas grand attachement de la place à la planète. Tu sais, j'écoutais un monsieur aujourd'hui nous parler de maison, le préfabriqué, tout ça. Puis je me sentais comme, je viens de vendre ma maison à un prix de fou, hein, puis c'est comme j'avais acheté une paire de bobettes. C'est excitant. Tu me vois à face, là, ça ressemble à ça. C'est excitant. Fait qu'il me reste plus grandes attaches ici, ça, je veux dire, de. Il n'y a pas grand-chose qui me stimule dans la vie à part le contact que j'ai, des gens que je rencontre. La vie, ça peut être assez simple, mais je ne trouve pas la planète Terre intéressante. Je ne l'ai jamais trouvée intéressante. Et je vais mourir, je ne la trouve pas intéressante pareil. Il me semble qu'il y a une tache dans mon écran. Oui, mais ça, c'est tout le temps une question de perspective. Tu sais, on peut avoir une perspective au niveau de la personne, mais la Terre au niveau de l'esprit peut être intéressante dans le sens que il y a tellement de brassage de marde, comme on disait tantôt, que ça va accélérer le développement de certaines personnes que ça aurait peut-être pas cours sur des planètes un peu plus paisibles. J'ai perdu le petit bout de planète plus paisible. Comment t'as fait ça, Bien, il y a peut-être ici plus de brassage de marde, plus de conflits, plus de désordre qui va favoriser une évolution plus accélérée, à différence de d'autres planètes où c'est plus paisible ou pacifique, où les gens auraient peut-être plus tendance à stagner. là? Oui. Probable. En tout cas, il y a un plan d'accélérer les choses, c'est sûr. Mais je dis ça, mais je veux pas déprimer le monde. C'est juste que j'ai jamais trouvé la vie sur la planète Terre intéressante. J'ai toujours eu une espèce de nostalgie d'un monde que j'ai comme quitté puis que j'aimerais retrouver. Ça m'a toujours habité, ça. Aurais-tu une âme extraterrestre par hasard? Je sais pas, ça existe-tu, Ben, il y en a ça? qui affirment qu'avant de s'être incarnés sur Terre, ils ont déjà vécu sur d'autres planètes, voire des systèmes de vie. Il y en a qui vont dire qui vont venir, par exemple, d'une autre galaxie que la Voie lactée. Ou, t'sais, il y en a qui vont parler du système d'Orion, d'Andromède, de différents endroits, là. Oui, j'ai entendu ça dernièrement. C'est vrai que ça fait pas longtemps que je connais. Ben, je savais, j'ai toujours dit ça que j'ai. Même jeune, j'en ai parlé. Des fois, je dis à ma mère, je me suis trompée de planète en m'incarnant, des fois. J'ai 9-10 ans, là. Mais je pense pas que je vienne d'Orion. Je pense que j'ai des mémoires de ce que c'est qu'être libre. Qui sont restées, qui sont. J'ai une mémoire de la liberté que j'ai jamais vue ici. Fait que c'est ça qui me rend la vie difficile à vivre ici, c'est que je sais qu'il y a mieux ailleurs. Mais pourquoi je te dis ça? J'en ai aucune raison, David. J'ai pas de même, je peux pas te prouver ça. Je sais que moi, mais non, il me disait, toi, ta plus grande quête, c'est la liberté. Oui, mais j'ai toujours eu ça dans le corps. Je sais qu'il y a une liberté possible, mais que je peux pas vivre ici. Là, j'ai compris ça après 50 quelques années. On est libre intérieurement, mais on n'est pas libre dans le plan où ce qu'on vit ici, c'est clair. Qu'il y a des choses qu'on est obligé de convenir et résilier avec. Mais en vieillissant, j'ai moins de choses à faire aussi, ça, je veux dire. Ma famille est faite. Il y a plein de choses qui. J'ai 61 ans, j'ai plus 20 ans. Puis c'est bien correct. Je m'en plains pas, les amis. Non, c'est sûr que tu as accompli plusieurs choses, mais j'imagine que vu que tu es sur la Terre puis qu'on se parle présentement, c'est que tu as encore une fonction qui fait en sorte que tu es Ben, ici. sinon, je serais morte. Mais moi, je l'ai toujours dit, tu viens sur la planète Terre pour régler des peurs, puis si tu n'as plus de peur à régler, tu t'en vas. Tu passes à autre chose. C'est dans l'évolution, c'est comme ça qu'on évolue. J'ai encore des peurs, je ne suis pas morte. Mais quand je n'aurai plus moins de peur, je vais mourir. Je n'aurai plus rien à régler ici. C'est vrai. Mais Exactement, mais si. là, le contexte présent de grande tension internationale avec la nouvelle vague, la COVID, la possibilité d'une guerre là, en lien avec l'Ukraine, ça débouche au niveau international en Il n'y aura espèce. pas de troisième guerre mondiale, David. Il n'y a pas de guerre troisième mondiale. Ça n'arrivera pas. Même s'ils veulent, ça n'arrivera Donc, pourquoi tu dis qu'il n'y pas. aura pas de troisième guerre mondiale? Pourquoi vous me dites qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale? Bon, moi qui le dis, c'est eux autres. Ça se croit pas. Parce que c'est trop dangereux ce qu'ils vont faire. Ça se croit pas. Ça peut amener la fin de la planète. Donc, non. C'est pas la fin de la planète, on n'a pas fini l'évolution nécessaire à l'homme. Donc, ça ne peut pas s'exécuter leur plan. Donc, il n'y Donc, ça aura ne pas sera de pas. guerre thermonucléaire qui opposerait les États-Unis, et la Russie avec, des missiles nucléaires. Non, ils peuvent s'entretuer avec des fusils, mais ce ne sera jamais nucléaire. Parce que là, présentement, ce que je vois depuis un peu plus d'un mois, où a débuté l'opération militaire spéciale en Russie, ou l'agression, pas en Russie, mais en Ukraine, ou l'agression de la Russie, que certains disent, c'est qu'on cherche jour après jour à mobiliser l'opinion publique pour s'engager dans un conflit armé, où on présente dans les bulletins de nouvelles régulièrement, « Ah, oh, c'est pas drôle, telle personne a perdu sa maison », ou « Ah, oh, les enfants ont été tués », ou « Les gens sont en exode ». Fait qu'on cherche à créer le consentement social, à préparer le terrain pour une intervention militaire. C'est ça, ils cherchent. Ils vont Oui. chercher longtemps, le monde n'en comprend En tout cas, il y a pas. eu quelques individus épars, comme on le disait tantôt, qui ont Ah, voulu aller là-bas là, pour c'est pour soutenir ça qu'on les gens en parle. On Ukraine, là. parle d'un déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Ce n'est pas des gens qui se rendent faire la petite guéguerre qu'on parle. Là. Mais non, la troisième guerre mondiale ne peut pas se faire avec le nucléaire. C'est oublié ça. Ils vont bloquer les pitons s'il faut. Chris, celui qui aura de peser sur le piton, ils peuvent tout faire. Exactement, mais ici c'est intéressant parce que tu rejoins de l'avis de l'ufologue québécois et métaphysicien Jean Cazot, qui lui dit, ben, pour faire une histoire courte, ça fait au-dessus de 50 ans qu'il étudie le phénomène extraterrestre, il a écrit OK. des nombreux livres, et lui ce qu'il disait, c'est qu'il y a des militaires qui ont témoigné aux États-Unis publiquement du fait que des extraterrestres et des vaisseaux spatiaux soient intervenus proche de silos nucléaires qui comportaient des Ben missiles, puis voyons qu'ils ont bloqué à volonté. non. Oui, puis Stephen Gray avec le Disclosure Project en parle, puis il y a de nombreux témoignages là, sur plusieurs décennies, comme de quoi qu'il y aurait eu une interférence du phénomène extraterrestre pour dire à l'être humain, ben écoute, on peut faire ce que tu veux par rapport à tes armes nucléaires, on peut les débrancher à un claquement de doigts, là. Ah bon? Ah, mais Jean Cazot, je retiens ça, check ça, à m'intrigue. Ben oui, ben ça peut être intéressant à découvrir parce que dans le domaine de l'ufologie au Québec, c'est une des personnalités publiques, là, à mon avis, actuellement les plus marquantes, là. Est-il un ancien séminariste ou quoi que ce soit? Non, Ou... il n'a pas touché à l'instruction supramentale, mais il a vécu des expériences mystiques particulières, là, en relation avec le phénomène extraterrestre, entre autres. OK, ben je retiens ça, c'est intéressant. Ben je dis la même chose. Alors, c'est pas moi qui le dis, ça dit la même chose. Peut-être que c'est de là que ça vient, je sais pas. Ça, je te dis, je questionne, j'ai une réponse, mais je peux pas expliquer intellectuellement ce que je dis, amis. Comme j'ai dit il y a 2 ans que Trump reviendra au pouvoir, ça s'en vient pour ça. Mais je pourrais pas me l'expliquer intellectuellement. J'ai aucune. C'est ça le savoir instantané, hein. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. Fait que moi, je peux élaborer intellectuellement parce que j'écoute des choses de plus en plus, je m'informe pour m'occuper d'un vie, parce qu'il y a 24 heures dans une journée, il faut s'occuper un peu, on en dort 10, 8, mais bon. Des fois, je m'emmerde, fait que je m'active intellectuellement. Mais C'est bien sinon, correct que... j'ai les réponses. Quand je dis que je suis pas en compte, tu sais, je dis, bon, je suis menacée. Non. C'est-tu moi qui n'ai pas menacée ou les gens autour de moi sont pas menacés non plus? Les gens, non. Fait que ça me répond. C'est pour ça que je dis. Je me sens pas menacée. Bien, c'est la même chose par rapport à qu'est-ce qui se passe en Europe de l'Est, voire ce qu'on appelle la sixième vague là, de COVID. Je me sens pas plus menacé présentement. Encore moins Puis, celle-là que les autres, je dirais. bien, c'est sûr, parce qu'après tout, par rapport à la fuite de laboratoire, parce que c'est quand même sorti là, dans le cadre de l'émission de Radio-Canada là, de découverte il y a quelques mois, Non, que. la découverte est rendue complotiste. Bien, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'eux autres, ils ont reconnu comme étant l'hypothèse la plus probable de la fuite de laboratoire liée au virus d'origine du COVID-19. Donc, au début, ils ont fait deux reportages par rapport à ça, vous pouvez retrouver sur Internet. Okay. Au début, c'est les mêmes gens de Radio-Canada qui discréditaient ça, puis finalement, au fil des mois, des arguments sont venus appuyer la thèse, qui est devenue la thèse principale. Et par rapport à ça, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le virus d'origine, c'est une fuite de laboratoire là, de type P4 là, en C'est Chine. sûr. C'est sûr Puis, que ça vient d'un P4, laboratoire P4, puis c'est fabriqué en c'est laboratoire ça. chez. Après tout, à Wuhan, il y a ce laboratoire-là où est-ce qu'on a répertorié les premiers cas. Puis moi, j'ai l'impression que depuis 2 ans à peu près, le virus a muté pour en venir à une forme qui est plus contagieuse, mais moins létale. Bien, tout ce qui est plus contagieux est moins létal. Il faut comprendre la différence entre contagieux et létal. Habituellement, c'est un ou Mortel l'autre. versus contagieux, c'est pas pareil. Puis là, il joue ses mots dans nos sociétés. Là, c'est très contagieux. Bien, tant mieux, ça veut dire qu'il n'est pas méchant. Ben, c'est ça, parce qu'il peut pas causer la mort en grande quantité puis être contagieux, c'est impossible. Un virus peut pas se maintenir comme ça parce qu'il n'a pas le temps de se propager. Ben, c'est pour ça qu'il passe au nombre de cas et non au nombre de morts. Il n'y a de pas de morts. Ben, c'est ça, il y en On a a pas. une mortalité en 2021 plus bas que la moyenne en général. Une chance que ce virus-là était méchant, oui. Puis là, c'est en 2021, pas 22. Là, ils sont en sous-effectif de morts en crise, là. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me faire des cas. Ouais, mais À moins qu'il réveillez-vous. en relâche un autre virus de Wuhan. Parce qu'il travaille sur plein de Parce que là, virus. ce qu'essaye ça, c'est parce que là, ils sont déjà. Tu sais, David, il ne faut pas oublier la beauté de la chose, c'est qu'on sait, de plus en plus, le monde a compris que ça ne marche pas bien. Il y a plus de monde éveillé qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans et 2 ans. C'est dur, là, de recréer un virus, de recrisser ça dans la société comme ils ont fait avec le COVID-19 en manquant le shot. Le virus est moins virulent qu'ils voulaient. Donc, c'est touché de dire on recommence la game. Oui, ils vont s'essayer. Ils essaient de nous faire croire que Bien, ça peut l'Ebola. être possible. Moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'ils Hein? relâchent un autre virus, puis dire, ah ben là, le virus de la COVID d'origine a muté, mais ça ne serait pas une mutation, mais un virus produit de laboratoire. Tant qu'à ça, ils sont sur le bord de nous dire aussi que le SRAS-2 va essayer de mélanger avec l'Ebola, puis tant qu'à ça, quoi d'autre? Tu sais, le sida, là. À part ça, t'as-tu entendu Mayo qui disait si vous êtes déjà vacciné, vous devriez aller faire un test de sida, ça va se tenir. Ah non, ça je l'ai pas entendu. Hein? Docteur Mayo qui a sorti ça, c'est une espèce de. J'ai fait comme. Il commence à être Pourquoi je fais. intéressant, là, le Doc Mayhew, parce que ben, c'était Jonas Collin qui disait qu'il pourrait avoir un lien entre le fait que les gens qui sont vaccinés, un peu comme les Sidéens, là, le système immunitaire perd de force, là, de ce que je comprenais, là. Ben, c'est parce que ça part de Montaigné qui est décédé cette année, mais le professeur Montaigné, qui est un prix Nobel, qui est mort à 82 ans cette année ou 84, je ne sais plus, était un virologue spécialisé dans les études des virus. Puis lui, il a eu le prix Nobel, puis il avait travaillé sur le sida. Mais quand le COVID, le SRAS-2, en fait, on va arrêter de dire COVID-19, on va mettre les bons mots dessus, le SRAS-2 est apparu. Lui, il a séquencé le SRAS. D'une façon, c'est un scientifique à la retraite à ce moment-là. Donc, plus crédible que ceux qui ne sont pas indépendants, pas ça, parce qu'il est à la retraite, le monsieur, retenez ça. Alors, lui, il m'a checké ça, moi, ce virus-là, c'est son métier. Puis là, il découvre des séquences d'ARN de sida là-dedans. Automatiquement, la première chose qu'il a dit il y a 2 ans, ce virus-là a été fabriqué en laboratoire. Mais il y a des ARN de sida. Qu'est-ce que ça coalise là-dedans, ça? Puis là, aujourd'hui, 2 ans plus tard, on vous dit, allez vous faire tester sur le sida, vous savoir si vous êtes idéal, que ça se pourrait-tu qu'il ait injecté le virus en même temps? L'armée américaine déclare 400 % de cancers de plus de gens injectés dans l'armée américaine depuis 1 an. Des cas de sida augmentés à 300 %. Mais non, il n'y en a pas de problème. C'est ça qu'on se fait dire. Mais Montaigne l'a annoncé il y a 2 ans. Exactement, puis lui s'était fait discréditer, puis j'avais vu les décrypteurs à Radio-Canada en disant « Ah, c'est hors contexte, blablabla ». Oui, puis aujourd'hui, comment il s'appelle, enquête, je ne sais pas qui, là, qui a découverte, qui dit que là, c'est séquencé en laboratoire. Ben, On est à 2 cheveux de se c'est faire dire qu'il l'émission y avait un Découverte. messager de sida dedans, pas rien de messager, mais qu'il y avait une petite section de sida dedans, là, tu sais. On est à 2 cheveux de se faire dire ça dans quelques semaines, là. Mais on est toujours tard, nous, les complotistes, supposément, puis qu'on dit toutes sortes de conneries, nous autres. On doit peut-être chercher le mot complotiste dans le dictionnaire, parce que moi, je ne suis pas comploteur, je suis complotiste. Je défends. Je dévoile, j'essaie de dévoiler le complot et non pas que j'invente un complot C'est contre ça, l'autre. c'est que tu vas pas fomenter les complots. Non. Mais moi, ce que je vois derrière ça, c'est qu'ils cherchent à manipuler les gens, les médias. Puis là, quelques mois plus tard, comme découverte, finalement, ils reconnaissent cette thèse-là comme étant crédible, mais a été tellement discrédité par plein de personnes pendant plusieurs mois que j'ai l'impression que dans l'opinion publique générale, de dire que ça a été une fuite de laboratoire, ça reste pareil quelque chose qui est associé au complotisme pareil. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui, en première page, va annoncer une nouvelle, Puis là, il se reprend quelques jours après, puis en page 33 en bas, en petit caractère, ah ben finalement, on s'est trompé. Puis là, il dit, ben je vous l'ai dit, je suis pas de mauvaise foi, mais c'est pas comme s'il l'avait dit dans la première page, puis il radote ça à chaque jour. Pas dans la première ligne dans la tête, là. Hein, ben c'est ça, tu sais, c'est comme on se corrige, mais c'est pas proportionnel. Fait que, tu sais, les gens, dans la mentalité populaire, de dire que ça, c'est une fuite de laboratoire, on passe pour complotiste encore, puis ils disent à un moment où de dire ça, ça a comme moins d'impact aussi, puis là, on est confronté à d'autres enjeux. Mais si les gens qui nous écoutent, hein, sont vraiment intéressés par la crise sanitaire qu'il y a eu mondiale, moi, je pense qu'il y aurait intérêt à mettre en lien le grand jury qui est en train de... qui a fini ses travaux. Le grand jury, c'est avec l'avocat allemand, là, Fulrich. Rainer Fulmich. Ça fait rien que 1400 fois qu'on me le dit. Comment? Rainer Fulmich. Fulmich, oui. Fulmich, on m'a rappelé 30 secondes. Dans 30 secondes, on va essayer de leur dire. Fulmich. Bref, cet avocat-là, il a réussi à faire ce qu'appelle le grand jury, qui est un tribunal parallèle, mais avec des avocats et des juges quand même reconnus et connus. Puis, ça a été traduit en français. Au début, c'était allemand-anglais. Puis là, c'est tout en français. Si vous allez sur le grand jury, écoutez ça, il y a vraiment des spécialistes indépendants, des grands scientifiques aussi là-dedans. Il y a plein de gens qui disent des choses intéressantes, dont tout ce qu'on parle. Les tests PCR, à quoi ça a servi, c'est qui a créé ça, qu'est-ce qui a parti ça. Donc, c'est legrandjury.net, si jamais ça vous intéresse. C'est une belle initiative, sauf que le point, c'est que concrètement, on n'a aucun écho dans les médias de masse de ça. Zéro puis une barre. David, on vient de dire qu'ils font de la propagande. On ne va pas parler de ça non plus. Pourquoi tu reviens là-dessus tout le temps? Oui, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une initiative intéressante. Mais même pire que ça, il n'y a même pas une cour qui veut l'entendre. Mais c'est parce que tu comprends c'est pas ça, de ce que... Oui, mais le grand jury, il sert à ça pour démontrer à quel point c'est noyauté puis pourri nos structures, dont la justice, qui ne veut pas entendre parler. Mais ça, ça va servir de base pour des futures poursuites tantôt, dans quelques mois, quelques années, quand la vérité va sortir, on l'a dit, c'est inévitable. Donc, la vérité va sortir, puis ce grand jury-là qu'on va avoir eu comme enregistrement puis avoir témoin, va se reproduire dans les pays éventuellement avec une vraie justice nettoyée. Mm-hmm. Ça ne peut pas avoir des juges à cause supérieure qui sont payés par le gouvernement du Québec, comme les médecins du Québec. Tu remarqueras que dans le grand jury, il y a toutes sortes de spécialistes, mais il n'y en a pas une calice d'ici, puis ils sont tous sous censure. Exactement. Ben c'est ça, ouais. Sinon ils se font menacer par l'ordre des médecins ici. Ils disent quelque chose moindrement contradictoire. Fait que... Ça va être la base, David, tu vas voir. Ça va servir de modèle à la Cour internationale, ce grand jury-là, dans moins de 2 ans. Mais en tout cas, je l'espère, sincèrement. Ben moi, je suis enregistré, je vais pouvoir m'entendre. Ça va, j'ai raison. Je ne veux pas avoir raison, là, les amis, mais j'aimerais ça parce que je trouve que c'est une solution puis qui nous sortirait vraiment la vérité puis ce qui a été manipulé. Parce qu'il en parle, en tout cas, les gens sont intéressés, je trouve qu'ils sont très précis, puis ils amènent des faits, puis des références de noms, puis tu sais, c'est pas des données qui sortent de... Tu sais, moi, j'écoute les nouvelles des fois, là, nos experts. Ah, mais c'est qui tes experts? Ah, ben, c'est bon. Ils les nomment jamais, eux autres. Depuis quand que Dubé, c'est un expert de la santé, ou de la comptabilité, même, je suis comptable, je suis même pas sûr qu'il est bon. Là, ils ont mis un médecin, là... Boileau, là. Ah! Qui remplace Arruda. Le cadavre à Boileau, là, je sais pas. Je voulais pas changer ça, ce petit taouin-là. Oui, bonjour. On a fait ça. Ben, quel con! Excusez. Quel con! Il est plate, mais je pense... Il est moins captivant à écouter qu'Arruda, là, qui faisait ses gestes. On a aplati la courbe avec ses mouvements de main. Pour moi, il était divertissant. Oui, il était divertissant, c'est ça, là, ouais. Mais Arruda, moi, ce que j'ai trouvé drôle, puis l'information a coulé publiquement, c'est quand il a remis le deuxième confinement, que la santé publique a jamais approuvé ça. Il n'y avait aucune étude, puis rien qui appuyait ça, puis était de l'avant pareil. Ben, Legault fait ce qu'il veut depuis longtemps. Il allait même contre l'OMS, qui est pour moi une organisation, l'Organisation mondiale de la santé, je l'appelle quoi? L'ordre mondial du sadisme. disaient que le confinement servait à rien, puis ils ont reconfiné au Québec. Comme ils nous parlent. Les masques, trouvez-moi les gens là, qui veulent faire quelque chose, envoyez-moi donc une étude qui est scientifiquement indépendante. Sortez-moi pas des. Il y en a des études qui disent que le masque est extraordinaire pour en protéger les virus. Mais c'est tout. Il faut voir d'où viennent ces études. Mais il n'y a pas d'études indépendantes qui prouvent que le port du masque vous protège de quoi que ce soit d'un virus qui est 300 fois plus petit que les petites mailles de votre masque. Voyons aussi. Puis là, les décrypteurs avaient dit, quand quelqu'un avait sorti ça publiquement, que le virus était plus petit que les mailles, que c'était pas pour protéger contre le virus, mais contre les postillons avec la bave qui comportait le virus, qui était projeté dans les airs. Oui. Mais ils n'ont pas tout à fait tort, c'est parce qu'ils jouent tout le temps sur des concepts, ils vont présenter une partie de la vérité, puis là, à partir de ça, ils vont s'appuyer là-dessus pour justifier n'importe quoi. Ben là, c'est parce que la question qui se pose rendu là, c'est que vu que le COVID-19, comme je l'ai dit, on va mettre les vrais mots, c'est un SRAS-2, donc un virus connu très bien de la médecine scientifique. C'est parce que pas demain matin que ça va finir, les virus, là. Êtes-vous en train de, moi, je répondrai, êtes-vous en train de nous dire qu'on va porter des masques toute notre crise de vie parce que je crache puis je tousse de temps en temps? Ben non. C'est pas une vie, ça, je suis Ben non, moi désolée. non plus, j'en veux pas de leur Quand crise ça de va masse. s'arrêter, le port du masque, gang de capotés, là? Quand est-ce que vous allez découvrir que là, vous allez passer votre vie avec ça dans la face? À mon avis, Voyons. c'est quand il va y avoir assez de suicides chez les jeunes. Là, on a vu des statistiques liées à la détresse psychologique chez les jeunes, problèmes Peut-être. d'anxiété, décrochage scolaire. Je vais fumer de la cigarette électronique. Simonac. C'est parce qu'il va falloir qu'ils réalisent qu'il y a plus d'effets négatifs, plus de dommages collatéraux mesure C'est à leur déjà là, adoption. David, c'est déjà Oui, mais ils ne lancé. Mais réalisent pas encore. Quand les que gens tu. veulent. Non, les gens ne veulent pas le réaliser. Ça, là, il y a une paresse intellectuelle. Le Québec, des fois, Mais aussi. quand que la mère de famille va voir que ses enfants se suicident parce qu'ils sont tannés de porter le masque, Chris, à un moment donné, elle va peut-être allumer. Bien, j'espère qu'il y en a. C'est triste à dire, hein, mais je souhaite beaucoup de meurtres puis de suicides au Québec, moi. Parce que là, je commence à être écœurée Moi, du port de je souhaite l'imbécile. pas ça, mais ce que je veux dire, Bon. c'est que ça serait bien que les gens se Pourquoi? conscientisent avant d'arriver à ce point-là, qu'il y ait plein de jeunes qui tombent avec des myocardes parce qu'ils sont injectés en 12 puis 18 ans, là. Oui, je comprends, David, mais t'as peur. Moi, je suis rendu que je souhaite ça. Puis je vais te dire pourquoi. Quand c'est rendu qu'au Québec, on regarde une game de hockey qui reste en Floride avec 30 000 personnes pas masquées depuis 2 ans, un an qui n'ont rien fait puis qu'il n'y a rien qui se passe, puis que nous, on est encore assez épais pour regarder ça pour porter des masques dans nos propres maisons, là. Excuse-moi, là, rendu là, je pense qu'on peut mourir un peu, oui. Est-ce que c'est que le monde ne comprenne pas, là? Ça fait un an et demi qu'il y a des États aux États-Unis qui font rien de ce qu'on fait, puis ils vont mieux que nous autres. Je comprends ce que tu veux dire, mon nom. Parce que maintenant, qu'est-ce que ça vous prend pour comprendre? Si ça prend qu'on Puis vous on a fasse eu en plus le vos Super enfants, ils vont le Bowl. faire. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, le Super Bowl avec près d'au-dessus de 70 000 personnes qui étaient réunies dans un stade aux C'est ça. États-Unis. Ça, c'était au mois de février, alors qu'on nous disait que là, il faut respecter les mesures, puis au Québec, quelques jours après notre couvre-feu. Ouais. Puis eux autres, ils peuvent se réunir à 70 millions, puis il n'y a aucun problème. Puis nous autres, moindrement, ah, vous êtes plus que 6 personnes, c'est grave, c'est la fin du monde, Chris. On va faire venir la police. C'est pour ça que je dis que quand tu es rendu à voir, en passant, il n'y a rien que le Québec qui se tape ça dans toute l'Amérique, là. On est un On peuple est distinct. encore en train de regarder ça en disant, oh oui, c'est dangereux. Rendu là, c'est pas une question de mérite, mais tu es tellement dans la tête, dans le cul, là, pour le dire, que ça va prendre quoi pour t'en sortir la tête du cul? Ça va prendre un gros coup. Ben, c'est ça, le gros coup, tu le dis, ça va être la mort de nos propres enfants. Voyons, tabarnak. Ben, on est assez épais pour ça, mais on va y aller. Que voulez-vous que je te dise? Tu penses que je vais avoir de la pitié pour ça, moi, là, puis de l'empathie, j'en ai pas du tout rendu là. C'est ça que je dis, allez crever, moi, j'y peux rien. C'est-à-dire, ça fait partie de l'expérience des gens. Ouais, c'est ça. Moi, c'est sûr que sur le plan humain, je trouve ça déplorable qu'on doit en venir à des situations extrêmes, puis d'appauvrissement extrême des Québécois depuis 2 ans aussi, au niveau économique, destruction des liens sociaux, division des familles, puis la mort des personnes âgées là, dans leurs excréments dans certains cas, là, tu sais. Le vrai scandale, il est là, hein, parce que c'est 97% des gens qui sont morts là. Mais ça, on n'en parlera pas, puis c'est donc pas vrai, puis je suis donc complotiste, puis je suis donc fêlée. Puis en même temps, le gouvernement veut pas de commission d'enquête indépendante. Mais non, mais surtout pas d'enquête. Ils sont en train de saboter le projet de loi 28, allez le voir, là, parce que vous êtes en train de vous faire enculer d'aplomb sans vaseline. Tant qu'à en parler, il consiste en quoi ce projet de loi-là? C'est une totale déresponsabilité du gouvernement, puis que jamais tu vas pouvoir revenir contre eux, puis ils maintiennent surtout, aucune enquête publique sur le 17 milliards. On a tout fait ce qu'on pouvait, on était de bonne foi, c'est ça que ça veut dire, grosso modo. Puis en plus, ben, ils se permettent de nous maintenir les mesures, l'urgence sanitaire jusqu'en décembre 2022, comme si on ne peut rien faire pendant une urgence sanitaire, on ne peut même pas porter plainte contre eux autres. Là, je sais pas, les Québécois, tout va bien, puis on est seul crise de petit coin de pays dans toute la planète, astille, à se taper ça. Là, je te parle même pas de l'Amérique, je te parle de la planète. Non, non, puis ce qui risque Les d'arriver. Québécois, nous mettent dans la on en a peur! Bon, on mérite rien de crever, je suis désolée. Mais Comme à peuple, ce. mais je parle pas de moi, vous. Je m'en fous. Non, non, je comprends ce que Comme tu peuple, veux on mérite dire. pas de vivre, rendu là. Je Je suis désolée. comprends. C'est un niveau de lâcheté qu'il n'y a même plus de mots, rendu là. Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, j'ai l'impression que, un peu comme pour la religion catholique, on a subi des abus extrêmes. Que, en lien avec ça, l'effet paradoxal, c'est que les gens vont vouloir sortir de la doctrine, la sainte doctrine sanitaire, comme on a voulu sortir de la religion avec la même intensité, quand que les gens vont souffrir suffisamment pour saturer. La sortie du Québec là, en Révolution tranquille qu'on parle, là, passant, là, c'est les Américaines qui l'ont commencé, c'est pas le Québec. Les Américaines qui ont sacré le soutien-gorge dehors, aussi, aux États-Unis, puis on a eu droit de vote bien plus tard que les Américaines au Québec pour au Canada, parce qu'on attendait que le bon Dieu nous le donne. Là. Le problème du Québec, Mme David, c'est qu'on est colonisé dans tous les sens, depuis notre existence. Ça fait 400 ans que c'est pas... On est colonisé par les religions, on était déportés, colonisés. Maintenu dans l'ignorance, on est traité comme de la marde depuis 300-400 ans. Puis si on s'en rend pas compte qu'on est des ignorants finis, puis des paresseux intellectuels, parce qu'on s'est fait bourrer à la crâne de conneries, puis on n'allait pas trop à l'école non plus. Puis jusqu'à présent, c'est pas fort fort l'école au Québec, là. Je suis désolée. Hein? Moi, on me reproche de perler, fait que je suis obligée de parler pour pas déranger les petits Québécois de marde qui savent pas parler, qui sont même pas capables de l'écrire, hein? Mais t'es bienvenue pour parler dans le cadre de les enregistrements que Mais je je fais peux avec parler, toi. vous savez, il n'y a pas de souci, je vais vous en sortir des mots, moi. Mais je parle plus de même, David, parce que personne comme moi, je me fais traiter de condescendante, de baveuse. T'es-tu française? Non, je ne suis pas française, je parle la langue française. Ben non, oui. C'est dommage qu'on ait été ici éduqués Parle dans pas. une Ne parle pas. mentalité du Ne nous mépris de parle pas. l'intelligence. Quelqu'un qui est intelligent est méprisé, il se fait traiter de nerd, il se fait traiter par les autres. D'arrogante, de condescendante, de baveuse, il n'y a pas de mot qu'on ne m'a pas dit, mon cher. Il n'y en a pas. Même à Hydro-Québec, où j'ai travaillé à Hydro-Québec, je me suis fait dire par le syndicat que le monde trouvait que j'étais snob, je parlais très bien français. Ah bon? Moi, je suis snob, je parle français correctement. Fait que là, je me suis mis à calice de tabarnak, on va y revenir. Ah ouais, calice de tabarnak. J'ai commencé à sacrer quand je travaillais à Hydro-Québec, imaginez. C'est pas une blague que je vous compte, je suis en calisse, parce que je t'écœurais de la médiocrité du Québec. Le style de mentalité que quand quelqu'un a un point, il faut le descendre en bas, là. Il fait de l'argent, c'est un trou de cul, il parle bien, c'est un perleux. Ah, hey! Hey, gang de pères, réveillez-vous! Excusez, me voilà parti en colère. Non, non, Ça me mais t'as raison d'être colère en qu'on colère ait parce été traités qu'on. comme de la marde dans la vie juste Non, parce non, qu'on mais. n'est pas con. C'est ça, on est dans une mentalité où ce qu'on amène les gens à saboter entre eux, à mépriser l'intelligence, mépriser la Ouais. richesse, puis tous les éléments qui nous permettraient de nous émanciper sur le plan psychique. Exactement, c'est ce que j'appelle être fourré bien On veut nous garder dans une mentalité de pauvre, câlisse. raide. De pauvre mental. Oui, puis financier L'intellectuel, parce aussi. que ça demande un intellect un petit peu quand même dans la vie là, pour fonctionner, puis y avoir un petit peu C'est ça, mais de moi, ce que je vois, capacité. c'est une pauvreté à tous les niveaux, autant dans le vocabulaire que financière, avec tout. Émotionnel aussi, combien de fois, peut-être toi moins, je sais pas. Moi, je sais pas, toute ma vie, jeune, tu vas te faire fermer ta gueule! Tu vas te faire fermer ta crise de grand gueule! J'ai 7 puis 8 ans, là. Non, je la fermerai pas, ma grand gueule, que je répondais. Je l'ai jamais fermée, ma grand gueule, en passant. Parce que je peux pas! Je peux pas, pas, je peux pas. Mais c'est l'histoire du Québec, ce que je vous raconte. C'est ça qu'on se faisait dire. T'es dérangeante, tu déranges, tu chicanes tout le monde. Je chicanais pas avec tout le monde. Je contestais ce qu'on me disait. Mais toi, tu es toujours en train de chialer. Non, je suis pas en train de chialer, je fais une analyse de la société. Non, tu chiales! C'est ça qu'on s'est fait dire au Québec. Exact. Aussitôt qu'on essaie d'avoir un petit débat d'intellectuel comme on le fait, là. Hey, là, si c'est la fin du monde. Ben oui, parce que dans un mode consensuel au Québec, tout le monde doit penser la même chose, le bon discours de la pensée unique, pas personne parle plus fort, tout le monde répète les mêmes choses, de cœur Mais avec si les on médias va puis les faire le beau politiciens. communiste, on va tous être d'accord, tout le monde ensemble. C'est ça le Québec. Penses-tu que j'ai pas le goût de casser mon camp si jamais ça rentre là-dedans? Parce que c'est ça qu'on veut. Le Québécois moyen, là, je parle pas de toi et moi. Non, exactement, mais la plupart des Quoi faire, Québécois faire dire quoi faire, puis rester à la puis maison, écouter éviter TVA qui va nous dire: Ah ben là, il faut que vous habillez chaudement, il fait froid dehors, Chris. ben oui, on le sait pas d'abord, il fait moins 20 au On est Québec, hein? infantilisé à l'os avec le gouvernement qui nous dit: Ben là, il va falloir continuer à porter le masque, la distanciation. Ah oui. C'est ça, Oh, on est gardé stupide ici. oui, ça relève la stupidité rendue là, mais bon, ça veut pas dire sautez pas sur votre voisin, c'est pas ça que je Ben veux dire. T'sais, non. hier, là, j'étais allée dans un endroit, mon masque, je l'avais pas, puis la dame a amené une dame d'un certain âge qui se tourne vers moi et me dit: Vous portez pas le masque, vous? J'ai dit: Mais non. Je réponds comme elle. Mais non. J'ai dit: Avez-vous peur? Ben, elle dit un peu. Mais j'ai dit: Vous êtes protégée si vous avez un masque, madame. Il me dit, moi, je suis assez loin. Ah, je vois un feu, ouais, par-dessus. C'était correct. L'individu n'est pas un problème ici. C'est notre social. On n'est pas capable. Un Québécois a beaucoup de difficultés à aller contre ce qu'on essaie de De mettre lui en majorité. imposer exactement. Bien, tu sais, on le voit, là, aussitôt que les gens se lèvent, perdent leur job ici, là. Moi, je n'ai pas rien à perdre parce qu'ils peuvent pas avoir ils n'ont pas grand-chose à pogner avec moi, là. Je n'ai pas un auditoire, puis je suis une graine de sable dans un océan, là. Je dérange pas. Mais quelqu'un qui voudrait se lever, puis il y a des gens qui ont le courage de le faire, comme Alexis Cossette-Trudel, fiez-vous sur moi, je vais le financer longtemps. Parce que ce gars-là, il est menacé de mort. Parce que c'est le seul au Québec qui parle de ce qui se passe. Bien, il y en a d'autres aussi. Il y a Jonas Collin, Dan Pilon. Jonas, il parle juste du Québec, grosso modo. C'est plus le Québec, Jonas. Oui, Dan Pilon, ils ne creusent pas autant qu'Alexis, ces gens-là. Mais oui, tu as des lanceurs d'alerte du Québec, mais ils sont menacés, David, en passant. Peut-être pas Jonas, là, parce que je pense qu'il a fait une petite. On le voit moins. Mais ceux qui restent, là, tu penses qu'ils n'ont pas essayé de faire sauter Jean-Jacques Crèvecœur, là? Oh, ils ont essayé de toutes les faire Mais taire à différents niveaux. ces gens-là. C'est pas rien que les. Pourquoi les gouvernements peuvent faire ça? C'est parce que le peuple soutient ça. À un moment donné, il va falloir se rendre compte de quelque chose, là. Si vous dites rien, vous êtes consentant, en passant. Fait que quand on enferme François Malega, ben juste parce qu'il dit ce que le monde ne veut pas entendre, je suis désolée. Ce gars-là, il est en train de gagner ses quatre procès, là, puis la prochaine étape, il poursuit le gouvernement. C'est nos impôts qui vont y payer des millions de dollars pour ce qu'on a fait. Puis j'espère qu'il va le faire. Parce que si on est supposément dans une démocratie, ce gars-là, la seule chose qu'il a faite comme erreur, c'est de parler. Non, Simplement. exactement. Moi aussi, je souhaite qu'il le fasse. Puis, ce qui est le Il va pire le dans. faire, je garantis qu'il va le faire. Ouais. Puis j'espère qu'il va le faire parce que, il y a un juge qui a clairement identifié qu'il y avait un crise de problème au Québec là, avec le premier juge qui a vu. Il a dit: Je peux pas vous libérer, mais c'est anormal ce qui se passe là. C'est pas supposé que vous soyez enfermé pour vos idées, monsieur. Excuse-moi, ça sonne, je vais juste fermer. OK, ouais, ben c'est ça, là. Il le dit, le juge, le premier juge. Il y a quatre. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ce que François Malega a comme problème, là, mais il est en prison depuis plus de 3 mois pour rien. C'est un prisonnier politique. C'est un prisonnier politique noir. Oh, ça va pas bien au Québec. On n'est pas raciste, noir. Mais non, point. On n'est pas raciste. On est raciste en tabarnak, mais on s'en rend pas compte. Mais c'est pas grave. Puis en passant, je parle en état de cause parce qu'il était 30 ans avec des Noirs. Faites-vous pas croire que vous n'êtes pas raciste, j'en ai vu de toutes les couleurs avec vous autres. Là, il y a des Et gens qui. donc, avec, bon, excusez-moi. Puis aujourd'hui, j'ai un Chinois dans ma vie, tu sais. Tu sais, un Chinois, il est plus petit que toi, voyons donc, tabarnak. C'est ça. Il est peut-être plus petit que moi, mais il est pas mal plus grand que vous autres. Bref, pas rapport. C'est ça, mais la situation avec François Malégaud va être intéressante à suivre dans les prochaines semaines parce que Il va être libéré, c'est sûr. moi j'ai l'impression que oui, puis il fait paraître fou le gouvernement. Ben, totalement, il refuse toutes les conditions parce que, tu sais, ils veulent le libérer parce qu'ils veulent s'en débarrasser. Mais là, ils disent, on te libère, mais il faut que tu fermes ta gueule. Je dis non. Je reste en dedans. Je n'accepte pas vos conditions. Je n'ai pas fermé ma gueule, on est dans une démocratie. J'ai le droit de Exactement. mon Il y a le opinion. droit à la liberté d'expression. Fait qu'ils le maintiennent en prison, mais plus ils le maintiennent en prison sans raison, plus il a raison de les poursuivre tantôt. Ben c'est ça, parce qu'il confirme son rôle de victime du Exactement. gouvernement. Puis C'est là, à ça. ce moment-là, il est chargé des dommages et intérêts. Oui. Voyons donc, il dit, faut que vous vous teniez 300 mètres plus loin du coin de rue de Radio-Canada. Le juge était là, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Comment ça se tenir à 300 mètres d'un endroit public sur un coin de rue? C'est parce que c'est un endroit public. Tu peux pas interdire à quelqu'un au Canada d'avoir accès à un endroit public. En passant, ça fait partie de nos droits. Ils n'ont même pas le droit de vous empêcher de sortir de chez vous malgré le confinement. Mais on est la loi. C'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. La loi, même dans le temps de guerre, vous avez le droit de vous déplacer. Il n'y a personne au Canada puis au Québec qui a le droit de vous arrêter de vous déplacer. Mais ils le font parce que vous êtes trop, on est trop épais pour se défendre. On a des lois, mais on fait rien. Mais C'est-à-dire si que vous de ce faites que rien, j'ai vous allez vous con... faire enculer sans vaseline. Mais C'est ça que ça veut dire. ce que j'ai compris par contre, Mona, au niveau de la Constitution canadienne puis des droits et libertés comme la libre circulation, c'est que si l'état d'urgence est décrété, à ce moment-là, ces droits Il n'y a peuvent être pas d'urgence. Il faut suspendus. qu'il approuve l'urgence, David. Ben moi, C'est ce c'est... qu'ils disent, mais prouvez-moi qu'il y a une urgence présentement de mort, toi, depuis un an. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu de mort pandémique comme ils Bien, l'ont moi dit. aussi, je suis d'accord avec toi, c'est une pandémie de peur plutôt que de mort. Mais ça, c'est clair dans ma tête depuis le départ. Mais eux autres vont justifier en disant que l'état d'urgence justifie que les droits et libertés Soit soient suspendu. suspendus. Ah ouais, bien, expliquez-moi comment ça se fait qu'en temps de guerre, on n'a pas le droit de ça, mais les mesures sanitaires, je leur donne le droit de ça. Ce serait débattable légalement, tabarnak, ça. Premièrement, on sait que le virus, là, il se transmet de façon normale. C'est une grippe, là. Il y a 2 ans et quelques mois, je n'aurais pas eu ce propos-là. Mais là, ça fait un an et demi qu'on sait que ça ne se passe pas comme ils disent, puis on continue à croire pourquoi ils peuvent continuer à faire ce qu'ils font? C'est parce qu'on conteste rien comme peuple. Puis les juges l'entendent, ça. Ah, mais le monde sont d'accord, fait qu'il n'y a pas d'abus. Les juges sont sensibles à l'ambiance sociale dans Ben oui, ils laquelle ils prennent le pouls de sont. la population. Oui. Mais comme on est cons, s'entend. Mais on continue à faire des confinements. Mais le problème, c'est peut-être que les juges n'écoutent pas les médias alternatifs, puis écoutent juste les médias officiels qui répètent ce que le gouvernement veut entendre. Ils écoutent le peuple qui répète les médias. Fait qu'ils en voient très bien. Fait que c'est C'est un ça. cercle vicieux. Ouais. Mais c'est parce que c'est vicieux, parce que personne qui prend ses culottes, dire on fait un mouvement concerté, public, pas tout ça. Tu parles pas tout seul avec une affaire de même, Chris, il faut se concerter. Ben non, les Québécois se concerter, créer une association Ben pour là, il y a eu payer. Réinfo COVID depuis quelques semaines qui ont voulu faire des sorties publiques, puis les médias, ils veulent pas relayer, ou quand ils le font, c'est genre avec une émission des décrypteurs pour les discréditer. C'est parce que c'est pas dans le public qu'il faut sortir. C'est dans les tribunaux. Je mets en crise des journaux. Je te parle pas de ça, je te parle des tribunaux. Un collectif de milliers de personnes. Ils ont essayé d'en créer un collectif des avocats. Il y a eu 10 000 personnes pour le signer. 10 000 quelconques de Québécois qui réussissent à se lever. Ça en prenait 100 000. Pas 10 000. Un recours collectif. Chris, connaissez-vous le mot collectif, les amis? Mais non, ils ont essayé, la Fondation, de partir ça avec des avocats, là. Ils avaient signé une pétition là, pendant plusieurs mois à aller signer ça. Il y a des avocats qui sont prêts à travailler, mais il faut être plus nombreux pour faire une demande. Ils ont eu 10 000-12 000 signatures de gens consentant à ça. C'est rien. C'est insuffisant. Fait que c'est ça. Le peuple est d'accord. Fait que le peuple est d'accord à se faire envoyer à l'abattoir. Mais nous, on n'est pas le peuple, là, toi puis Non, moi, là. exactement, mais c'est sûr qu'on est une gang de moutons au Québec, là. Le Québec est sérieusement ciblé pour ça. Pourquoi tu penses qu'on a été sélectionné? Parce qu'ils ont notre profil psychologique, les amis. Pensez-vous là, que le Québec n'est pas noyauté par des intérêts étrangers? Parce qu'on est le seul petit coin de la planète à vivre ça, là. Même Israël vit plus ça, Chris, ils ont lâché prise là-dessus. Là, c'est ici que ça se passe au Québec, c'est parce qu'on est un peuple docile. Mais qu'est-ce que ça veut dire, docile, d'après vous, là? Ben, mouton, Ben, c'est pareil. sûr qu'on accepte de se Stop, faire tondre la laine sur le dos. c'est ça. Mais là, Fait que nous si autres, on a bon, Guylaine Langteau, qui elle s'appelle Guis au lieu de laine, a lâché la lettre. t'as vu, ils ont réussi à la salir encore Ben oui, ils l'ont plus. discrédité dans les médias là, par rapport au chanteur là, qui est mort du VIH Sida, là. Ah oui, ça doit être de sa faute. S'il est mort du sida, ça a dû y donner. Si tant qu'il y est, en y injectant quelque chose. Calice, n'importe quoi. Mais Guys, je pense pas que ça la dérange parce que je pense qu'elle s'en contrefiche. Non, puis en même temps, ben, ça y fait de la Là, visibilité médiatique, qu'on en parle en bien ou en mal. Il y a peut-être des gens qui vont s'intéresser à elle à cause de ça. en tout cas, ce qui est bon signe, c'est s'il la taxe parce qu'elle a de l'emprise quelque part. Ben, elle a de l'influence. C'est un petit peu comme Oui, c'est ça, Alexis c'est parce qu'elle Cossette-Trudel qui t'influence. avait parlé au décrypteur pour le discréditer. Ça confirme qu'il y a de l'influence, sinon il n'en parlerait pas. Qu'il faut continuer à les écouter, les encourager. Il ne faut pas lâcher. Mais le peuple québécois va devoir se lever pour s'en sortir. C'est ça que je veux dire dans tout mon propos, là. C'est que on le disait il y a 2 ans, puis on en parlait, David, je m'en rappelle, je disais, un jour, vous allez être confronté à être derrière votre ordinateur, vous allez devoir prendre position. Ça se peut pas, on ne peut pas être resté assis derrière votre ordi puis penser que ça va se Mais régler. les gens se sont levés à un certain niveau il y a quelques semaines avec le mouvement des convois de la liberté, que ce soit à Ottawa ou dans la ville de Québec. Là, ça C'est ça. commençait à faire du bruit. Puis là, curieusement, ben là, ils ont fait baisser les mesures en lien avec ça pour acheter la paix puis diminuer la colère de la population. Et là, la colère de la population est retournée contre les méchants Russes qui envahissent l'Ukraine. C'est ça, c'est de la diversion. Mais aussi parce qu'il y a des élections partielles dans Marie-Victorin la semaine prochaine, puis qu'il y a des élections à l'automne qui s'en viennent pour la CAQ. Fait que là, il faut qu'ils vous donnent des petits cadeaux, là. Un Comme 500 $ qu'on a. plus le beau à ici. Moi, quand je pense que je lui retourne les hosties de chèque, je pète ma coche. J'étais tellement en tabarnak quand j'ai entendu ça. Je disais, à qui je peux donner 500 $? À qui a besoin de ça? C'est moi le donner à quelqu'un. Je veux rien savoir de cet argent-là qui vient du gouvernement. Rien savoir d'eux autres, mais je vais le donner Mais peut-être à pour les quelqu'un gens quand qui sont en il Europe, qui nous écoutent, pour résumer brièvement, c'est qu'à cause de l'augmentation de l'inflation, le gouvernement québécois a décidé de donner un retour d'impôt de 500 $ à toutes les personnes qui gagnent 100 000 $ et moins au Québec. va. 100 000 et moins? Oui. OK. Fait qu'une famille qui gagne 100 000 va, avec un couple va gagner 1 000 $ Non, à non, chaque 100 000. individu, chaque personne. Donc, ça veut Ça dire que fait la pas famille pourrait tout. gagner 200 000 $, puis il y aurait chacun leur chèque de 500 $, les deux conjoints. Ah, mais c'est ça que je dis, un couple qui gagne, mettons, X salaire, mais c'est par personne, c'est 100 000 maximum. Ils ont chacun Oui, 500. exact. Et un revenu familial de 30 000, lui, il a 500 aussi. Ah, c'est tellement équitable, on se peut plus si je suis sur le bord de chier sur mon perron. Puis là, je vais en fumer une. Je suis désolée, les amis, mais ça me fait fumer parler de ça, parce que je trouve ça tellement vicieux. Bien, c'est une façon d'acheter le vote des gens, parce que les gens à court terme vont dire, ah, il nous donne 500 $, c'est un bon gouvernant, À François 2000, Legault. j'aurais compris que les gens seraient achetables. 500 $, c'est rire du monde. Je suis désolée. Même les pauvres trouvent ça insignifiant. Je me considère pas pauvre ni riche, là, mais voyons, 500 $ après 2 ans de pénurie comme on vient de vivre, de perte d'emploi, de gens qui ont eu toutes sortes de problèmes. On retourne, c'est 30 % l'épicerie coûte plus cher, l'essence, ça double de prix, puis on nous donne 500 $. Hey, c'est rien du monde, ça, là. C'est même pas avoir. Il essaie de te dire on fait plaisir aux gens pour les aider, mais en réalité, c'est d'une condescendance méprisante. Mais c'est parce que Voulais c'est pas pas tout le être monde qui inquiétant. sont bons en mathématiques, Mona. C'est ça Moi, l'affaire. je dis, même notre comptable, c'est pas compté. Ah, moi, j'aurais pas donné 500 $ aux gens qui gagnent 100 000 et plus. Je suis désolée, ils n'ont pas Ben besoin. moi non plus. Exactement, mais là, ils font exprès parce qu'on est à peu près à 6 mois de la période des élections, dans l'optique d'être réélu. Donc, c'est une mesure électoraliste, à mon avis, qui va viser à ce qu'il soit réélu. Puis, c'est comme l'avait mentionné là, Éric Duhaime, Avec le Parti conservateur, lui disait, ben, regardez, qu'est-ce qu'ils font la CAQ, ben, ils n'auront pas à rendre des comptes sur tous les appels d'offres qu'ils ont faits depuis le début de la crise. Ça n'ira pas avant la période des élections. Fait qu'eux autres sont corrects. Ils ne pourront pas dire qu'il y a eu de la corruption, de la magouille ou du copinage en lien avec les appels d'offres. Puis ils vont sans doute être réélus. Ouais. Mais en tout cas, moi, je vous le dis tout de suite, si la CAQ est réélue, c'est là que je quitte le pays. Oubliez-moi, parce qu'on va nous pogner avec Trudeau jusqu'en 2025. Puis la bagosse à Legault qu'on vient d'en encore. Puis c'est pas Legault, c'est Sirois. Non, merci. Je décollise quelque part sur la planète où est-ce qu'il n'y a pas ce monde-là. T'es sûr? Moi, c'est sûr que j'en veux plus non plus, là, que ce soit Trudeau ou François Legault, mais on est dans un monde de marde. Ben, ce que moi je vois, c'est que oui, on est dans la marde, c'est clair. Mais ce qui est certain, c'est je te dis pas que ça règle tout, là. Mais une chose est sûre, c'est qu'on devrait voter pour le parti qui nous dit que c'est terminé les mesures sanitaires puis les urgences sanitaires. Ça, on devrait commencer avec ça. Après, on verra c'est qui trou de cul, là, parce qu'il y a des trous de cul à tous les niveaux. Mais il faut s'impliquer, c'est ça. Je dis, moi, je le pense. D'ailleurs, le fait que je vais être en pré-retraite, je vais probablement regarder, parce que ça m'intéresse, la politique internationale. Je vais essayer de voir si je ne peux pas faire quelque chose, quelque part, m'impliquer. Il faut s'impliquer. Tant que je suis sur la planète Terre, je me suis dit, tant qu'à râler, je vais aller m'impliquer. Je vais m'impliquer. Ça, je dis, je vais le faire. Je suis en démarche. Là. Il y a des choses que je sais, je veux faire. Je ne ferai pas de politique active, là, mais peut-être. Pourquoi pas? Je serais peut-être moins conne que tous les autres. Je dis n'importe quoi, mais je ne veux pas me faire tirer en pensant. Je n'irai pas là, mais je pense qu'on peut s'impliquer individuellement pour comme le 500 $ que je disais, je vais aller le donner à un organisme communautaire. Je vais trouver un organisme, aller remettre en main propre à quelqu'un que je suis de confiance, le 500 $. On pourrait faire ça comme geste. Moi, je fais partie d'une classe moyenne qui a les moyens. Ça me fait pas mal, les augmentations présentement. C'est pas à moi que ça fait mal, même si j'ai moins d'argent dans mes poches pour consommer. Je consomme pas beaucoup. Je suis une personne assez simple à vivre. Hein. C'est pas compliqué. Moi, un repas par jour, je suis bien heureuse. Puis, j'ai pas besoin d'aller au casino puis au Est-ce que tu restaurant. pratiques le jeûne intermittent? Oui, depuis longtemps. OK, puis dans le fond, tu es à l'aise avec ça. Moi, ça me convient. OK. Je suis bien depuis ce temps-là. D'ailleurs, je vais mieux depuis que je fais du. Ça fait à peu près 4-5 ans là, que j'ai commencé le jeûne. C'est 16 heures sans manger en ligne. Puis, mais ça me convient comme rythme. C'est naturel. Je pense que j'avais ça inné. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait, my God, c'est mon rythme naturel. Je mange rarement, moi, avant 2-3 heures de l'après-midi. Puis, je me lève à 8 heures. Puis, je mange mon dernier repas à 21 heures à peu près. Fait que c'est mon rythme normal, c'est ça que je dis. J'enseigne le soir, je travaille dans des temps de loisirs des gens. Fait que ce qui fait que mes repas sont différés, moi. Quand j'enseigne, je ne peux pas manger. Mettons que j'ai un cours des fois, là, comme les mardis, j'ai trois cours. J'en ai un à 10 h et à 10 h, un autre à midi, puis un autre le soir. Je ne peux pas me bourrer entre les deux, entre les cours. Mais tu veux Puis pas après. dormir pendant le cours? Ben, il y a dormir, mais digérer aussi. C'est parce que la digestion, moi, je fais beaucoup de postures avec la tête en bas, puis t'es en train de roter ton déjeuner. La digestion, là, c'est. Tu sais, mettons, je mange 2 heures avant le cours. Si je fais un cours, je vais roter tout le long. Je suis en pleine digestion. C'est pour ça que je dis, ça fait longtemps que je vis ça. Mais j'étais de même jeune aussi. Comme jeune, j'étais pas attirée par la viande. En vieillissant, je mange un peu de viande, mais. Pas quelqu'un qui aime la viande naturellement. Moi non plus, j'aime pas la viande. Quand que j'étais jeune, mes parents, il fallait qu'ils me forcent à manger de la viande. Aussi. Puis quand je les ai quittés, ben j'ai arrêté de manger. Ben, arrêté de manger de la viande, c'est pas vrai. J'ai un mode méditerranéen. Tu sais, je mange plus de la viande rouge, là, ça c'est clair. Mais je veux dire, des fois, je vais manger un petit peu là, de saumon, un petit peu de fromage aussi, là. Ben c'est ça. Tu sais, on trouve notre. Qui nous convient. Moi, j'ai pas de dogme alimentaire. Je préconise aucun dogme alimentaire, que ce soit viande, pas viande, vegan. Ça me tente pas trop d'être une tomate dans la vie ou une canne de tomate, là, mais je mange de tout selon ce que je perçois mon besoin, tu sais. Mais je mange pas de la viande tout le temps. Par mon exercice, le fait de faire beaucoup de mouvements, j'ai besoin de protéines. Je me suis fait des déchirures musculaires à cause d'un manque de protéines aussi. Fait que, tu sais, il y a tout ça à tenir compte. Le temps de cuisiner, Exact. les gens disent, ouais, mais si t'es végétarien, tu peux faire des protéines. Oui, mais ça demande du temps, Colin. C'est parce que c'est long faire à manger. Je le fais, là. Depuis quelques années, je fais à manger à la maison. C'est des heures de préparation. D'une journée, je peux faire toute la journée de la nourriture pour une semaine, mais ça me prend toute la journée pareil. Sans compter le temps de course, puis de trouver les ingrédients. C'est du travail cuisiner à la maison, puis de combiner les bonnes choses. Des fois, on n'a pas le temps. Mais tout ça pour dire, moi, je sors des dogmes. J'évite les dogmes en général. J'en entends tout et ça autour de moi. Ah, mon Dieu, tu manges de la viande, t'es yogini. Je suis pas yogini, premièrement. Puis, si tu marquais quelque part, il ne faut pas manger de viande en yoga, je ne savais pas. Non, exactement. Donc, Ça, c'est bien woke, c'est bien dans la mode. ben, ça Ben, fait puis quand... partie aussi de l'idéologie du Grand Reset, puis de l'agenda 2030, où ce qu'on va amener les gens à arrêter de manger de la viande pour qu'ils mangent soit végétariens ou des insectes à la place. Ouais, ça fait pas du monde fort. Les mangeux de tomates, là, c'est pas mal zen. En passant, ça me fait penser à quelque chose. Quand j'étais en danse, à temps plein en danse, Oui. j'ai une formation pour ceux qui savent pas en danse moderne et classique. Et de tout le temps que j'étais en danse, on s'entraînait énormément. Pour moi, je n'ai pas beaucoup. Mais tout ça pour dire quoi, j'ai perdu le fil, David. Non, je m'excuse. Ça a coupé, Ben, ça. ça devait être par rapport à l'alimentation. Ah oui, c'est ça. Oui, non, pas vraiment. Oui, puis non. L'entraînement et l'endorphine. J'ai réalisé à travers les années que dans le temps que j'étais en danse, j'étais très, très aérée, aérienne et éthérée. Par le fait de faire beaucoup d'exercices dans le corps, il y a une endorphine qui est sécrétée. Puis à un moment donné, tu deviens bien. Ah, Léo, ah, ça va bien. Ah oui, j'étais toujours de même. Ben, ça crée un état de bien-être, les endorphines, c'est un opiacé naturel. Vraiment, mais de déconnecter, t'es pas groundé. Mais on mangeait peu aussi, on mangeait pas assez, on mangeait pas, t'es pas assez groundé. Donc, on flottait. Mais c'était dans la forme, c'était intéressant de flotter quand t'es en danse parce que t'es plus léger. Je blague, là. Mais il reste qu'avec le temps, à la suite de ça, j'ai commencé à comprendre pourquoi j'ai eu une maison, pourquoi je me suis mis à manger plus de viande. J'avais besoin de ground. Le ground. Tu sais, la maison que j'ai eue pendant 23 ans, c'était du ground. C'était pas parce que je voulais une maison. Je déteste ça, prendre soin de ça. Je viens de la vendre, je suis tellement contente, de même pas idée. J'étais 23 ans propriétaire d'un immeuble parce que je savais que j'avais besoin de ça pour me grounder. Ouais, ça t'a servi d'enracinement. L'enracinement. La viande a été un enracinement pour moi aussi. D'accepter de vivre sur cette planète. C'est des processus, mais je dis pas ça que c'est tout le monde, là. Je vous dis juste que ça, c'est le processus que moi j'ai compris de mon expérience à moi. Aujourd'hui, je le regarde avec plus de recul que quand j'avais 20, 30 ans, là, mais j'ai vécu ces mouvements-là d'ajustement, c'est ça que je veux dire. Exactement, tout sert. Puis c'est sûr que moi aussi, je ne suis pas dogmatique là, par rapport à la consommation de viande ou non. Là. Suivez votre corps. Votre corps, il est intelligent, le corps. Il nous parle, il a son langage, un peu comme les chats, là, t'sais. Les chats, il faut découvrir le langage. Ils ne parlent pas français, là, mon chat, mais ils sont clairs. Mes chats, là, t'sais, quand ils veulent aller dehors, il y a un son particulier. Quand ils veulent manger, c'est un autre son. Fait que, on apprend à convenir avec l'animal. Mais nous aussi, on est des animaux, quelque part aussi, là. On a un petit côté humainement animal. Puis il faut l'entendre, puis essayer d'ajuster ça aussi avec nos sentiments. En tout cas, c'est complexe. Pas simple, mais en même temps, c'est intéressant. Ça, pour moi, ça m'intéresse, en tout cas. Oui, ben oui. On a-tu fait le tour de la question on est-tu là? Ça a-tu du sens, tout ce qu'on dit? Toi, je dis ça aux gens, là, mais je me sens comme. Il me semble qu'on parle, mais je suis pas sûre qu'il y a un fil là-dedans. Ben, moi, je trouve qu'il y a un fil depuis le début de notre conversation, c'est-à-dire de s'écouter, vivre à son rythme. C'est tout le temps le principe de l'individuation que je pourrais dire qui est une constante au fil des conversations qu'on a au fil des mois ensemble. Oui. Mais je suis plus en plus. Je pense que les gens, c'est ce qu'ils vivent de plus en plus, une individuation. Mais pour moi, il y a une différence entre individualité et individuation aussi, là. C'est pas de développer son individualisme. C'est différent. Non, non, exactement, là. C'est sûr qu'il faut faire la distinction entre un mouvement d'ego, un mouvement d'orgueil, puis un mouvement d'esprit. C'est ça. Mais c'est drôle, je ne sais pas si je peux parler de ça, oui. J'écoutais Bernard, si jamais les gens s'intéressent, j'ai écouté il y a 2 jours, quelqu'un m'avait envoyé ça, un ami, qui me dit, ah, oh, tiens, écoute donc Bernard, psychologie évolutionnaire, numéro 130, ceux qui sont intéressés dans la psychologie évolutionnaire. Très intéressant, ce qu'on dit là, il le dit, mais autrement, dans les mots que Bernard, seul Bernard peut parler comme ça. Oui, j'imagine qu'il va utiliser beaucoup de termes techniques dans son enregistrement audio. Non, non, non, OK. c'est ça, c'est assez surprenant. Il parle d'une façon très concrète de comment on doit travailler notre individuation, justement, puis c'est quoi qu'on a à faire. T'sais, tantôt, je te disais, je ne sais pas si tantôt j'ai dit ça, on vient, il explique, il en parle, mais je le dis souvent, on est de la lumière. On est connecté, on a de la lumière, on est des êtres de lumière pognés avec toutes sortes d'autres affaires. Puis là, c'est ça, il explique, il dit, on a un petit bout de lumière, là, puis tout le reste, c'est de la merde. Il dit, mais tout le reste qui est de la mort, il faut le gérer ce bord-là. Autrement dit, vivre nos vies. D'aller au bout de nos vies, de mort, pour pouvoir se développer en termes d'individuation et d'être. Mais il dit d'une façon, et en tout cas, si ça vous tente d'aller voir ça, écoutez ça, c'est une des conférences, je trouve, intéressantes dans ce qui se passe aujourd'hui aussi. Il ne parle pas de toute l'apocalypse, c'est pas dans ce sens-là. Mais plus s'adresser à l'individu, comment se construire là-dedans. Puis c'est parce que je vois beaucoup de personnes qui ne veulent pas vivre leur vie, qui veulent vivre une autre vie. Comme non, ça ne devrait pas être de même, ça devrait pas être. Oui, mais non, c'est ici. Puis on est dans cette marde-là, ce qu'on parle, là. C'est Oui. difficile de vivre dans cette marde-là, on est dans la marde. Mais en même temps, il y a toute la beauté qui est là avec la marde. Ben, de la merde, c'est de l'engrais, comme je disais. C'est le fumier qui a besoin le bien pour donner le mieux, fait que tout sert. Mais des fois, vivre sa mort, c'est pas facile. Non, C'est non, exactement, faire là. face à notre propre astralité avec toutes les mécaniques que l'astral peut nous jouer comme tour. Ça devient vicieux parce qu'il y a l'ego mental, mané, là, l'intellect qui récupère tout puis qui nous rend ça vicieux. En tout cas, moi, je trouve que c'est plus intéressant ça que d'autres choses. De voir Ben, comment ça se présente. c'est sûr que c'est intéressant d'étudier tout le processus psychique qu'on peut vivre dans notre existence là, par rapport aux différents événements. Puis là, on a une rafale d'événements en choc avec la crise du COVID, la guerre en Ukraine, l'augmentation de l'inflation galopante, et ainsi de suite, là. Puis à quel point ils essaient de nous faire peur, tu sais, Oui. faire peur aux gens. Mais si les gens ont peur, s'ils vivent la peur, faites du faire, c'est intéressant. Moi, je n'ai pas de peur avec tout ce qu'il nous dit. C'est ça, je te dis, je ne me sens pas menacée, mais c'est parce que j'ai une bonne centricité qui s'est développée dans les derniers 15 ans. Mais c'est à ça que ça sert aussi, ça testait cette centricité-là, justement, voir si tu es si centrique que tu le dis. Ben oui, c'est un test de réalité. À fait. Puis il y a des choses que j'ai pu nettoyer là-dedans, tu sais, comme je disais tantôt. Il y avait des petits restants de famille à liquider. J'avais de la mémoire un peu collective de vouloir aider les gens. Fait que ça a brûlé là. Je suis une personne qui a de l'empathie naturelle envers l'individu, mais plus envers les gens. C'est différent. Les gens, j'aime plus le monde, mais j'aime certaines personnes. Puis je peux accompagner des gens individuellement, mais j'étais un peu pris avec un collectif comme tout le monde. Hein. Moi, j'aimais les gens, j'aimais la race humaine, puis je trouvais donc que c'était pas bien ce qui se passait ici. Tu sais, il y avait cet esprit-là spirituel. Ben, c'est pas un esprit, c'est plutôt de la spiritualité Ouais. qui est brûlée. Là. Ça, le 2 ans, l'a fini. Là. Ça s'est brûlé d'aplomb. Donc, Ben, c'est c'est sûr qu'à un moment donné, tu mieux. satures de certaines choses, dans le sens que, bon, moi, j'écoutais, il y avait des gens sur Internet qui faisaient des méditations là, pour la pandémie, là, que ça prenne fin, que la guerre en Ukraine prenne fin. Puis finalement, Chris, il y a plein de méditations qui sont faites, puis ces événements-là, ça arrête pas, tu sais. Les gens croient que la méditation les amène à le contact. Ça ne marche pas de même. Non, ouais, il y a des gens qui méditent, il y en a qui prient, puis moi j'ordonne, comme je dis. Ben, il faut commander à l'esprit. Moi, c'est sûr que, bon, André Moreau parle de bénédiction, ou ce que c'est un geste de volonté individuelle qui se rapproche de ça, que je trouve intéressant. Mais bon, Bernard, quand il engueulait son double, c'est sûr que ça avait une intensité plus grande que la personne qui prie là, pieusement, là. Mais c'est drôle qu'on parle de ça parce que oui, effectivement, Bernard, il y en a des fois, il se choquait. Mais moi, je me choque aussi contre mon esprit. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, on en avait parlé, je sais pas si les gens sont au courant, mais ça fait une couple d'années que je veux vendre ma maison. Vends, pas vends, vends, pas vends, vends, pas vends. J'ai changé d'avis. Dans le doute, m'abstenir. J'ai eu une tyrannie mentale, la polarité. Puis là, je savais que là-dedans, je ne peux pas prendre de décision. Puis un moment donné, je me suis levée un matin, il y a à peu près 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. J'ai dit, là, tabarnak. Ça va faire, là, cette niaise. Je suis montée dans le canal. J'étais tellement en colère, là. J'ai dit, là, mon hostie, là, arrange-toi avec ça, là, mais je veux plus rien savoir, tabarnak. Puis là, tu le sais ce que j'ai besoin, crisse-moi la paix, en ligne les flûtes. Écoute, ça a pris 3 jours, ça s'est réglé. J'ai vendu ma maison en 3 jours. Plus cher que me demander. Puis j'ai finalement, ça m'a amené la solution. En fait, j'ai pu décider de me relouer l'espace pour une autre année pour prendre le temps de savoir ce que je veux aller. Ça s'est placé suite à ma colère. Ben c'est bon. C'est pas que je veux que ça soit bon ou pas, c'est j'essaie d'expliquer des fois un peu aux gens, c'est que des fois, il faut se choquer. Puis qu'est-ce qu'on essaie d'éliminer dans notre société? La colère. Parce que la colère, ça sert à quelque chose, qui est de fucker le chien dans les entités, c'est. On a tout un contact, je l'ai dit, on a tout un contact. Le contact, tu peux lui dire, hey, chose en haut, arrange-toi avec ça, tu sais. Exactement. Parce que là, je commence à être écœurant tabarnak de me faire chier. Ils ont besoin de l'échange, de mener. C'est ça, je disais, tu as besoin de mon corps. Moi, j'ai besoin que tu exécutes des choses pour me protéger, Chris. Fait que réveille. Parce que sinon, mon corps, tu vas te fuck you. Ouais, exactement, ça prend une réciprocité entre toi puis l'esprit. Un peu. Puis c'est pas de l'ego quand je parle de même, là, des fois, c'est sûr. Quand c'est de l'ego, ils nous écoutent même pas, de toute façon. Ça sourit quasiment. Mais quand c'est une colère qui part du fond moi, ça part de mon fond de culotte, là, c'est le sang, ça part du chakra d'en bas, puis ça remonte dans toute ma colonne. Là, c'est en crise. Mais j'ai toujours une bonne réponse à ça. Mais ça implique un lâcher-prise, c'est ça que je voulais dire. Ça implique, une fois que la commande est passée, je m'en occupe plus, c'est ça que j'ai fait. Je disais, de la mort, je veux pas savoir si je. Puis là, un matin, je me suis levée, j'ai appelé l'agence, ça s'est placé tout seul, l'agence est rentrée, c'était parfait, j'ai signé le contrat. Tout est devenu facile. Ce qui était, depuis 2 ans, 3 ans, une mental, là. Mais si on le prend autrement, Oui, peut-être qu'au niveau des plans, eux autres évaluaient que c'était pas le temps. c'est Puis là, ça. ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils t'ont manipulé pour t'amener en colère, pour t'amener au point précisément qu'eux autres voulaient que tu viennes. Oui, il y avait cet aspect-là du timing. Moi, ce que j'ai ramassé, c'est que mon timing n'était pas bon, mais ma lecture était bonne dans la direction. Mais mon timing, c'est l'ego qui l'a ramassé, le timing. Il voulait que ça se passe au temps de l'ego. Alors que ça se passe au niveau du temps de l'esprit. L'esprit. Oui, c'est un autre temps sans estime, c'est de l'heure. Mais c'est parce que moi, j'étais harcelée mentalement, fait que c'était comme intellectuellement, fait qu'il fallait que ça arrête, c'était ça. C'était pas. De toujours avoir ça dans l'esprit, dans le mental, c'est fatigant, c'est épuisant. Oui, mais c'est neutraliser le processus de réflexion C'est ça. que tu as fait. C'était ça l'épreuve. Neutraliser ça, flou. Mais en même temps, ça m'a fait voir que c'est ce qui a créé ce conflit-là aussi, c'est l'ego qui a récupéré l'information, qui lui savait. C'est ça, ça fait longtemps que je sais que je dois quitter Montréal dans les années 2023 en passant. Quand j'ai acheté ma maison, je le savais déjà. Mais il y a quelque chose dans l'ego qui a voulu s'aller plus vite entre-temps. Ben, des fois, on veut devancer le temps, puis c'est l'ego qui va chercher à justement vouloir agir dans un temps différé de celui de l'esprit, lorsque, entre autres, il est sous influence astrale. Ça. Mais Mais c'est. pourquoi 2023? Parce que là, je vais rebondir encore avec l'histoire de Richard Glenn, rendez-vous fin février 2023, où ce qu'il parle, qu'il va y avoir des événements. Daniel Kemp, apparemment, il y a des gens qui m'ont dit ça sur Internet, qui prévoyaient 2023 quelque chose de particulier aussi. Ben, je sais pas, c'est parce que moi, quand j'ai dit 2023, j'ai acheté ma maison en 1999. Puis, je sais pas si tout le monde dit ça. Je sais que Daniel Ménard avait parlé qu'en 2023, il y a quelque chose qui va popper. Je sais pas, Kim, tu le dis, je suis sûre que tu as raison dans ce que tu dis. C'est pas ça, j'ai jamais entendu, mais c'est pas parce que je l'ai pas entendu, je savais pas. Je sais pas, c'est comme pour moi un cycle qui se termine. Ça va faire 42 ans que je suis à Montréal. Ben, 42 ans, c'est en lien qu'un multiple de 7. Allez donc. Ça se peut, c'est ça. Pour moi, c'est un cycle qui prend fin, Ouais, puis puis c'est. moi, en 2023, je vais avoir 42 ans aussi. 2023, Oui, c'est parce que l'année j'ai prochaine. 41. Non, c'est ça, j'ai présentement 41 ans. Donc, moi, mon anniversaire est au mois de février. Donc, quand on va être rendu à fin février 2023, qui est la période que Glenn parle, je vais être rendu à 42 ans. Ah, puis il dit quoi, M. Glenn, là-dessus, que c'est la fin du monde, l'apocalypse, Bien, en donc? fait, c'est, il fait, la façon qu'il présente ça, c'est de dire, il crée comme un suspense, il dit, ça fait au-dessus de 20 ans que je parle de rendez-vous fin février 2023, mais rendez-vous dans deux sens. Rendez-vous dans le sens de rencontre. Donc, il peut avoir un rendez-vous un peu comme dans le film Rencontre du troisième type, où des êtres humains entrent en contact avec des extraterrestres. Mais ça peut être rendez-vous aussi dans le sens en anglais de surrender, quelqu'un qui rend les armes. Donc, tous les gens du deep state, des gens qui cherchent à dominer la Terre vont se rendre parce que leur plan d'ordre mondialiste va être contrecarré par d'autres forces qui vont prendre rendez-vous avec nous autres en 2023. Ah, ça se peut. Il y a plusieurs niveaux d'interprétation, là. C'est un petit peu comme la Bible ou les trucs de l'Apocalypse ou le calendrier Maya. Mais bon, j'extrapolerai pas plus là-dessus. Mais il y a comme un scénario auquel plusieurs personnes font allusion. Bon, moi, j'en parle parce que tu as dit à date de 2023, mais je crois pas à ça dans le sens de quelqu'un qui est croyant, là, un fervent adepte, là, comme les gens étaient adeptes, là, du 21 décembre 2012, là, en lien avec la fin du calendrier Maya, là. Ben non, ben je sais que moi j'ai ma décision ben la décision, l'information du 2023 n'était pas reliée à ça. Ça me revient, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais là, en parlant, ça me revient. Quand j'ai acheté, c'est que j'avais dit que je vendrais. Moi, dans ma tête, je prenais ma retraite autour de 55-60 ans, du moins, retraite de travail, quoique ma vie a changé entre-temps beaucoup, là. Je trouve que je travaille plus depuis longtemps, mais bon, j'aime ce que je fais. Mais ça me disait, tu sais, c'est un calcul de préparation de retraite, en fait. Quand j'ai acheté, je me suis dit, dans 23 ans, je vais probablement avoir fini de payer ma maison. Puis si je peux vendre ma maison, moi, je voulais 1 million de fonds de pension. J'avais prévu que ça me coûterait au moins ça. Puis je n'étais pas si loin, finalement. Hein. 1 million, t'es pas si riche, là, aujourd'hui. Il faut quand même Avec penser que. l'inflation qui augmente, là, puis on parle de 5,7 d'augmentation au mois de février des indices de prix à consommation. Ouais, 1 million, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, ça doit Non, non, prendre non, c'est plusieurs juste millions. pour ça que je dis que je ne suis pas riche, mais je suis protégée financièrement. Mais encore là, demain matin, je peux plus avoir rien. Je ne le sais pas. C'est ça, je veux dire. Mais ce que j'explique, c'était une planification de retraite, moi, qui m'a amenée au 2023. Mais je ne voulais pas prendre ma retraite à Montréal parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand j'ai immigré, parce que j'ai immigré ici, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter à Montréal. J'aimais Montréal, mais je faisais des crises d'asthme, j'avais des problèmes de stress, j'étais très sensible, une sensibilité que la plupart d'entre nous ont, mais qu'il n'y avait pas encore. Imaginez que j'ai 19 ans, là. Donc, j'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui de tout ce que je sais. J'étais juste pogné dans un état de sensibilité, de capter plein d'affaires, de savoir qu'il se passait des choses. Puis j'étais dans une grosse ville, puis je viens de la campagne. Donc, quand je suis débarquée ici, ça a fait comme un choc énorme aussi. Fait que je me suis dit, moi, je retourne dans mon pays un jour, mais là, je ne retournerai pas dans mon pays qui est le lac Saint-Jean, mais je vais retourner à ma source qui est la campagne. Je suis une fille de campagne, je suis bien à la campagne, je suis bien seule aussi. Il ne faut pas oublier que moi, toute seule, je ne m'ennuie pas, là. Puis la ville, ça me fatigue de plus en plus parce qu'il y a plus de fous au pied carré qu'avant. Ma soeur, elle me dit. Un jour, ma soeur dit, ah, mais que tu déménages à Montréal ou au lac Saint-Jean-Robert, le monde sont aussi masqués, puis ils ont tout peur, puis tout. J'ai dit, oui, mais il y a moins de compagnies carrées, pareil, il y a moins de monde. Ben c'est ça, il y a moins de personnes au kilomètre carré, comme tu dis. Puis bon, Montréal, moi, j'ai jamais voulu aller vivre là parce qu'il y a beaucoup de tensions. Maintenant, mais c'était pas ça il y a 30 ans. C'est ça, Montréal, mais là, je veux dire, j'écoute des bulletins de nouvelles, puis il est question régulièrement de fusillades qui peuvent arriver à tout moment de la journée. Oui, là, je vous le dis, je vous le confirme que depuis quelques années, étrangement, ça a surtout densifié depuis le COVID aussi. Il y a vraiment aussi des tensions ethniques qui se sont installées dans les derniers 10 ans très importantes. C'est pour ça que j'attaque le multiculturalisme puis toute la connerie de woke, d'imbécile de woke, là. Parce que c'est l'inverse de ce que ça devrait faire. Ce qu'ils disent, ça fait pas ce qu'ils disent, ça fait l'inverse, c'est que ça crée énormément de tensions. Ça se ghettoise à Montréal. Je connaissais pas ça, moi, des ghettos à Montréal. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Ben, quelques c'est-à-dire qu'il y petits avait le quartier chinois. quartiers chinois, mais c'était pas un ghetto chinois. C'était un quartier où ce que il y avait des magasins, un peu ces gens vivent pas là, mais là, c'est rendu plus gros. Il y a un ghetto haïtien, il y a un ghetto africain, maintenant un ghetto arabe, musulman pratiquant. Oh! Ça fait rien que des ghettos, le multiculturalisme. Puis là, il va y avoir le ghetto syrien, puis le ghetto ci, puis le ghetto ça, puis guettons-nous après. Non, maintenant, je vais me guetter ailleurs. Voilà. Mais c'est un exode des Québécois qui se fait sur Montréal. Puis pas rien que de Montréal, les Québécois, les journalistes commencent à en parler. Il y a un exode du peuple québécois à l'étranger aussi. Ben oui, il y en a qui ont été partis vivre en Floride. C'est, je pense à Maxime Ouimet, là, celui qui a été surnommé le policier du peuple ou de complotiste par TVA. Ouais, ben oui, il y en a quitté, mais c'est pas ça, c'est dans les lanceurs d'alerte, mais il y a beaucoup de Québécois qui ont les moyens qui sont en train de sacrer le camp d'ici, ouais. Je l'entends. D'ailleurs, Alexis Cossette en avait parlé. Il disait qu'autour de lui, il y avait 10-11 personnes là, qui avaient quitté le Québec déjà. Puis c'est un peu ce que je te dis aussi. Moi, je ne sais pas, je vais rester ici. Je vais être en disposition de pouvoir le faire. Donc, je vais avoir de l'argent, puis mon passeport, puis peut-être une voiture, hein, traverser les frontières, ou prendre l'avion, sacrer mon camp, puis pour venir pendant plusieurs années. J'espère que j'aille au Sénégal, j'ai des liens là, puis j'ai des amis qui sont là, puis qui me disent qu'une maison au bord de la mer pour 50 000 piastres, pas trop cher. Ben, tant mieux. Écoute, en fait, tu iras où ce que tu veux. C'est sûr que nous autres, on peut continuer à se parler pareil sur Skype, vu que c'est C'est international. sûr. Ils ont ça, ces autres aussi, là-bas. Non, non, c'est un beau pays, le Sénégal, les amis. Au contraire, je connais un peu, là. Puis les Sénégalais sont sympathiques. Moi, je les aime bien. Et je m'entends bien avec eux. Pas même si c'est des mémoires de race, là, mais j'ai pas de problème avec le langue. Je suis même capable d'apprendre assez facilement le Wolof. OK. L'Agadef. Alors, le best, la Caféri. T'es en train de te dire bonjour, David, comment vas-tu? Comment vont tes affaires? C'est une belle langue. Mais ça, c'est dit, je sais pas. Tout est ouvert. Puis si je pars en Afrique, ben, mon chum ne débarquera pas, c'est sûr. Fait qu'il y a tout ça qui est ouvert aussi. Fait que ça va être un dossier à suivre. Écoute, étant donné que le temps passe et que ça fait déjà près de 2 h 30 qu'on parle, je voulais te proposer de conclure l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Absolument pas. Je viens de me rendre compte qu'il est 8 heures. Je suis désolée, tout le monde. Non, genre. Non, mais tu n'as pas à te sentir désolé derrière. D'accord. Les gens l'écouteront à leur rythme et ils mettront sur pause l'enregistrement au besoin, tout simplement. Mais pour terminer, on peut quand même mentionner aux gens du public que c'est possible de faire avec toi là, des consultations. Je pense que tu en fais toujours hein, en psychologie évolutionnaire. Ouais, je suis assez sélective, par exemple. J'ai une fonction. Si mes gens, ça les intéresse, on peut se parler. Là, avant de vous facturer quoi que ce soit, j'échange avec les gens parce que je suis rendue très sélective, parce que je connais ma fonction très clairement maintenant, puis je sais à qui je peux m'adresser. Mais oui, coaching évolutionnaire, toujours dans l'approche de la psychologie évolutionnaire. Ça marche, en tout cas, il y a une couple de gens avec qui je fonctionne, ça va bien. Je suis contente de voir que ça fonctionne pour eux. Ben, tant mieux. Sinon, ben, c'est sûr que, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, là, il y a plusieurs minutes, tu donnes toujours donc des cours de yoga et de pilates thérapeutiques. Ouais, mais je me spécialise dans l'art du mouvement qui nourrit le corps et non qui lui demande de la performance, qui est très différent, même si on, c'est pas facile. Quand je dis ça, les gens pensent que, ah, avec des cours mollo, méfiez-vous. C'est pas si mollo. C'est assez exigeant, mais c'est des mouvements qui nourrissent le corps, qui permet au corps de se régénérer puis de se donner un alignement qui fait qu'il va être en meilleure santé. C'est pas de la mise en forme que je fais ordinaire. Ça, c'est 40 ans de recherche et de travail, là. C'est 40 ans de résumé qui se retrouvent dans mes fours. Fait que, puis là, j'ai un téléphone qui sonne. D'après moi, il y a une petite urgence que je vais devoir vous quitter bientôt, les amis. Bon, ben c'est bien parfait. Donc, les annonces sont Merci. faites. Fait qu'écoute, je te remercie donc pour cet entretien du mois d'avril. Et puis, on garde contact et on reste à l'affût de l'actualité. J'espère de voir si un jour ma prévision, j'avais dit que le Québec connaîtrait une révolution pas tranquille. J'ai hâte de voir si j'ai raison ou pas. Je viens de me rappeler en le disant, en vous quittant. Mais je me dis, oh, tiens, le printemps, ça va peut-être être une. Ça me dit, ça va être un printemps assez chaud, on verra. On a eu le printemps érable avec les manifestations d'étudiants il y a quelques années par rapport au droit de scolarité. Mais moi, j'ai l'impression que s'il n'y aurait pas donné du lousse par rapport aux mesures lorsqu'on était au mois de février, alors qu'il y avait eu un convoi de la liberté à Ottawa, à Québec, s'il n'y aurait pas baissé les mesures, probablement qu'il y aurait eu plus de manifestations, j'ai l'impression, puis peut-être l'occupation des rues de la ville de Québec. Sûrement. Oui, il essaie d'éteindre ça, mais je pense pas que s'il laisse le port du masque, je pense que je pense qu'ils vont se ramasser avec pas mal de monde en avant du gouvernement. On verra Ben, bien. Donc, écoute, dossier à suivre. Et écoute, Mona, donc, je te dis à merci. bientôt. Merci, à bientôt. Bye.